tylko w Bogu moje jest zbawienie. W Nim jedynie duszy ukojenie. Moja chwała i skała, w Nim pokładam mą nadzieję. Ufaj Mu, Kościele, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Ludzie lżejsi niż tchnienie, tylko w Bogu jest zbawienie. Shalom tout le monde. Oui. Shalom ma soeur. Les autres ouvrez vos caméras. Les autres ouvrez vos caméras. Bonsoir. Les autres ouvrez vos caméras. Les autres ouvrez vos caméras. Sauf en cas de nécessité. Je vais ouvrir ma caméra. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir, Belgique dans la sainteté. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Belgique dans la sainteté. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à la sereine. Bonsoir à la sereine. Qu'est-ce qu'elle reçoit là-bas? Toujours sérieuse. Elle reçoit pas, elle a un problème. Bonsoir à la sœur Suzanne Claudon. Bonsoir mon frère, shalom. Bonsoir à la sœur Ami Avocat. Bonsoir frère Junior. Et au célèbre couple Tla, bonsoir. Bonsoir, bonsoir mon frère Junior. Bonsoir frère Frédéric qui nous montre des chutes, ou bien c'est chutes de la Lobé, ou bien c'est chutes de Sanaga, ou bien c'est chutes de quel pays, on ne sait pas. Bonsoir, ouvre ton ta caméra alors dans ce cas ou bien. Bon, c'est mieux comme ça. Bonsoir frère Léon. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Je n'ai pas de caméra. Ah, ok, ok, ok, courage, d'accord. Comment a été votre journée? La soeur, bonsoir. Est-ce qu'elle a parlé sur le micro? Bonsoir tout le monde, bonsoir. Voilà. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui. La grâce du ciel. La sœur Suzanne, c'est chaud maintenant. La sœur Suzanne, vous la voyez là, non? Oui, c'est chaud, hein, ma sœur. Attendez, pourquoi cette question? Non, c'est pas une question, c'est une remarque. C'est chaud, hein, ma sœur. Bon, bonsoir. Amen, amen. Voilà, est-ce qu'on peut commencer par la prière? Prions. Prions. Prions que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux. Merci, Père de gloire, pour cette journée que tu nous as accordée. Merci, Père de gloire, pour la protection, pour ta main puissante. Merci pour cette réunion maintenant, Père de gloire. Seigneur, merci parce que tu nous as, ô Dieu de gloire, attiré maintenant, Père de gloire, pour nous parler. Et nous nous soumettons entre tes mains, nous soumettons nos pensées, notre âme. Et tous ces moments, c'est pour ta gloire. Donne-nous de marcher, de vivre ce que tu veux pour nous encore aujourd'hui. Je prie, Père de gloire, pour mes frères et mes soeurs qui nous écoutent et qui partagent avec nous, Père de gloire, que tu leur donnes cette même bénédiction de partager autour de ta parole et d'y demeurer. Donne-nous, ô Père de gloire, le sujet de ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, la sœur Suzanne, demain c'est mercredi, tu parles de mercredi. Oh. Alors, Alors, y a-t-il des questions avant qu'on ne commence? Si quelqu'un a des questions. La sœur, pourquoi tu es comme préoccupée comme ça? Qu'est-ce qui t'attriste? Qu'est-ce qui ne va pas avec ton âme? Je viens tout juste d'entrer comme ça. Je viens tout juste d'entrer comme ça depuis le matin. Je suis sorti de la maison. Je viens tout juste d'entrer. J'ai dit, je me prépare. Je me suis déposé mon sac là. Et puis j'ai dit, ok, j'ai mis l'ange. Donc je m'excuse pour ces quelques 15 à 16 minutes de retard. Ce sont des embouteillages. La sœur, okay. Oui, là, attends, la sœur, je lui ai posé une question. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va aller, frère. Donc pour le moment, ça va aller. Pour le moment, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit que qu'est-ce qui n'ira pas? Il pose la question, qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Oui, j'ai bien compris. Mais... on ne peut pas te donner. Courage, d'accord. Bref. Courage. Oui, ça va aller. Le frère Trabi, tu as appris le carnet de vaccination. Non, pas le carnet de vaccination. Carnet de questions. Alors, passons. Priorité d'abord à celle qui ne parle pas souvent. Prenons la soeur Clodon. Y a-t-il des questions, ma soeur? Ou bien la soeur Amie? Posez toutes vos questions. Malgré, j'avais la fatigue quand j'entrais à la maison. Maintenant, il me semble bien après cette prière-là. Je suis à votre service. J'avais une question par rapport, enfin, ça n'a rien à voir avec la parole, mais par rapport à moi-même. Oui. Quand je me mets à prier, plus souvent, enfin, certains moments, j'ai des coups de frisson et je ne sais pas pourquoi. Tu as les chairs de poule et les chairs de canard. Ben, c'est un coup de frisson. Pas le ressentiment d'avoir peur ou quelque chose, mais j'ai un coup de frisson. Et ça arrive très souvent, ça, et j'aimerais savoir pourquoi, enfin. Donc, tu veux savoir d'où proviennent tes frissons, quoi? Oui. Et qu'est-ce que tes frissons signifient, quoi? Bon, et quand ces frissons-là arrivent, est-ce que tu... Quel est l'état de ton cœur? Tu arrêtes de prier ou bien tu continues? Non, je continue la prière, normalement. Bon, en fait, il y a une présence, il y a un esprit qui te suit depuis ta jeunesse. Cette frisson, ce n'est pas caractérisé comme les autres frissons que je connais dans la prière, un esprit qui te suit dans la jeunesse. On va le confronter bientôt, d'accord? Pour ton cas particulier. Amen. Ça, c'est un esprit féminin. C'est un esprit féminin. C'est un esprit féminin qui te suit, là. Oui. Voilà. D'accord. Il dit c'est un esprit féminin ici. Alors, ma soeur, tu m'as suivi? J'ai compris, mais je comprends pas. Bon, tu as saisi, mais tu n'as pas compris. C'est comme ça. N'aie pas peur, d'accord? N'aie pas peur, ma soeur. Je dis, n'aie pas... Vous m'entendez? J'espère que la connexion est bonne ce soir-ci. La connexion est bonne là. N'aie pas peur, ma chère soeur, on va la confronter. Quand c'est dévoilé, ça doit être chassé. Ça dérange un peu. Amen. Oh là là. Bon, je crois que ça va être stable, la connexion. Là. Permettez-moi de vérifier là. Voilà. Donc, ma soeur amie, il y a un esprit féminin qui te suit. C'est l'esprit d'une grande maman qui faisait une danse traditionnelle, dont une idolâtre qui te suit. Donc, tu es prince, tu es princesse héritière des esprits. Il faut qu'on dégame ça parce que maintenant tu hérites du Seigneur Jésus. Donc, voilà, c'est en ça, de façon claire. D'accord? J'aurais préféré que tu me le dises pas quand même, parce que je suis très sensible. Entendre ce genre de choses. Je retire donc tout ce que j'ai dit. Je n'ai rien dit ce soir. La soeur, c'est donc Claude. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Comment? comment ça va, ça a été la, comment ça a été la journée? Ça a été très bien par la grâce de Dieu. Voilà, normalement, si c'était quelque chose de... Si je pourrais dire mercredi comme ça, mais maintenant c'est mercredi comme ça. Après, week-end. Donc, un week-end, d'accord? Un week-end, il y a une surprise, un week-end. Des questions, la sœur Suzanne Mon Claude? frère, pardon, ça Oui. mais tu fais allusion à quoi exactement? Je C'est parle toujours par de... rapport à moi ou Mais c'est de ça dont je parle. Le frère Frédéric, bonsoir. Bonjour, frère Junior. Parle-nous alors, que le Seigneur te bénisse. Comment tu vas aujourd'hui? Et c'est la première fois que tu assistes à la conférence. Je suis à ton service. Tu me vois, n'est-ce pas? Je Heureusement que fais une balade de heureusement Dieu. que tu ne peux pas voir ma taille étant assis. Et je crois que la prochaine fois, peut-être tu auras là, certainement la vidéo. Donc, as-tu des questions? Si j'ai des questions, oui. Dans le livre de 1 Corinthiens 15, Oui. verset 27. Là, tu veux parler de la D'après divinité du Seigneur ce Jésus-Christ là maintenant. Il te voit venir. Oui. Dans... Là, tu veux parler de la divinité de Jésus, je te vois venir, n'est-ce pas? je veux parler de la divinité de Jésus-Christ. Ah, nous y sommes. Qu'est-ce qu'il a encore fait le Seigneur Jésus-Christ pour sa divinité, pour que sa divinité soit remise en cause par sa propre Bible? C'est parce que nous entendons beaucoup de j'entends beaucoup de doctrines et j'aimerais que la parole de Dieu puisse m'éclaircir là-dedans. Oui, mais le vrai problème là, c'est que toutes ces doctrines-là sortent de la Bible. Qu'est-ce que tu vas en faire donc maintenant, puisque toutes ces doctrines sortent de la Bible? Bon, c'est ça le véritable problème. Donc, il faut qu'on dépose la Bible de côté, on l'interroge lui aussi. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lis dans 1 Corinthiens chapitre 27. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 26, il est dit clairement que lorsque celui qui aura soumis toutes choses, il va lui-même se soumettre au Père, n'est-ce pas? Oui. Quel est ton problème donc? Je vais relire. Non. Dieu, en effet, a tout soumis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui a soumis toutes ces choses est excepté. Celui qui a soumis toutes ces choses, c'est bien Jésus-Christ. Non, c'est le Père. Excuse-moi, frère, je suis pas dans la bonne page. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 27 et 28. 15, 27, 28, hein? Ah, yes, c'est ça. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Au fur et à mesure, la Bonsoir. sœur, la sœur Tra, comment tu, elle est fatiguée, elle ne parle plus trop. Quand elle veut parler, elle tape seulement son mari comme ça que parler. Il faut parler. Il faut parler. Bon, le frère Frédéric, lis alors, lis-nous ton 1 Corinthien, allons-y, encore. Le même passage, non? Oui, qui relise, puisque la sœur Amine n'était pas encore à la page, quoi. Lis mon cher, lis. Moi? Non, non, Moi? le frère qui a la question, lui-même qui lise. Ok. Ok. Dieu, en effet, a tout soumis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Pose ta Amen. question. S'il y en a un passage qui est plus clair, bien compliqué pour les théologiens, c'est cela. Allons-y, pose ta question maintenant. Il t'attend maintenant sous les eaux de la chute là, qu'il y a sur ton image. Pardon, frère. Bah, si tu me poses pas, Dans le livre... il n'y a pas de question. S'il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Parce qu'il faut il faut une question. Parce que la question touche la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Attends que tu poses la question proprement dite. Oui. Ma question, c'est que est-ce qu'on peut différencier Jésus-Christ et Dieu? Jésus-Christ ou bien Jésus? Jésus-Christ Je parle de Jésus-Christ. Pardon, mon cher, il n'a pas bien suivi ta connexion, la connexion de l'image. Si tu es en train d'utiliser un casque, si tu es en train d'utiliser un casque, ne bouge pas constamment. Quand tu bouges constamment, ça va faire du bruit. Ça va okay. C'est désagréable. Oui. Donc il faut être posé pendant que tu parles. Sens-toi libre, reste tranquille et pose ta question. Ok. Est-ce qu'on peut divorcer penser Jésus-Christ est Dieu? Non. Et pourquoi là on parle de celui qui a soumis se soumet toutes choses à Dieu? Voilà. Parce que parle mon frère, parce que parle, sois tout ce que tu as sur le ventre. Bon, parce que nous on nous a on m'a enseigné à l'école. Oui. Que Jésus-Christ est Dieu. Dans quelle école? Parce que je vais à l'école. J'ai choisi ici chez nous. Il y a option. On peut choisir l'option de cours religion. C'est religion. C'est où ça? Dans quelle école comme ça? Dans quelle ville? C'est en Belgique toujours? Oui, c'est en Belgique. Okay. Donc, ils enseignent la religion là-bas à l'école. C'est l'anthropologie des religions ou bien c'est la psychologie des religions? Non, c'est une heure de cours par semaine. Oui. Et là, on voyait le contenu à partir du concile du Nicée. Oui. Bon, le monsieur nous a un peu parlé de la divinité de Jésus-Christ. Il nous dit que Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait chair. Venu dans le monde pour sauver l'humanité. Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est que je suis un peu embrouillé par ces passages-ci qui révèlent que. Bon, qui. Pour moi, quand je lis ces passages-ci, avec le passage de. Matthieu. Avec dans Romains 8 aussi. Notre ça. Matthieu. Dans Romains 8 aussi. Oui. Bon, je doute un peu de ce qu'il me dit. Bon, combien de dieux y en a-t-il dans le monde, dans l'univers? Un seul. Comment? Un seul, je sais qu'il n'y a qu'un seul dieu. Si tu demandes dans la Bible qu'il y en a des milliards de dieux, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu me demandes dans la Bible qu'il y a des milliards de dieux. Oui. Mais je sais qu'il n'y a qu'un seul dieu. Mais si tu demandes dans la Bible qu'il y en a des milliards de dieux. Dans les cieux et sur la terre, qu'est-ce que tu oui. vas faire? Tu vas croire ça, hein? Mais c'est des dieux avec un petit D. Le problème, c'est que quand j'ai posé... Et ça, c'est de l'idolâtrie. Ah non, attends. Le problème, c'est que quand je prononce Dieu, tu ne sais pas si mon Dieu que je prononce avec petit D ou c'est grand D. Oui. La prononciation ne donne pas, n'identifie pas la personne. Par exemple, si il dit Paul, tu ne peux pas savoir si c'est le Paul de la Bible dont on est de parler, mais c'est Paul un voisin ou Paul un camarade, n'est-ce pas? C'est vrai. Je vais aller doucement avec toi jusqu'à ce que tu saisisses, d'accord? Doucement. Oui. Voilà, je recommence encore. Si tu demandes dans la Bible qu'il y en a plusieurs dieux dans l'univers, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les croire et tous? Non. Ok, donc même si on te demande la Bible, tu ne dois pas croire qu'il y en a plusieurs, quoi. Si on me demande dans la Bible. Si on me montre dans la Bible oui. et que c'est confirmé la parole de Dieu oui. et que Dieu même me l'a révélé, non, ça je peux il croire. Y a des choses que Dieu n'a pas besoin de révéler. Quand c'est écrit noir et blanc, il n'y a pas besoin de révélation. Comme par exemple, on a dit Jésus est allé à la croix, il est vraiment allé à la croix, il n'y a pas besoin de révélation là-dessus. C'est vrai. Voilà, donc 1 Corinthiens chapitre 8, allons-y. Courage, d'accord, ça va aller. À toi, viens chapitre 8. Oui. Tu es prêt? Oui. Lis le verset 5. Un Corinthiens chapitre 8, verset 5. Car si les êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes un et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Je crois qu'en lisant comme ça, on ne comprendra pas la beauté même, en lisant avec ce genre de ponctuation et ces rhétoriques à la Belge là, on n'aura pas la beauté de la phrase. La Bible déclare que s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Amen. Amen. Donc la Bible déclare, l'apôtre dit ici qu'il existe réellement plusieurs dieux. Amen. Et on dit que certains de ces dieux sont dans les cieux, certains sont sur la terre. Tu connais un dieu sur la terre, mon cher? Le nom d'un dieu? Le nom d'un dieu, maman. Ah ah! Et comment tu sais que tu ne connaissais pas? Voilà. Donc tu connais donc le nom d'un dieu. Bon, maintenant, est-ce que c'est le nom du dieu que toi tu sais, tu crois servir? Non. C'est non, là, non. C'est à cet instant-là qu'on commence à faire la ligne de séparation, tu vois? Parce que ici, l'apôtre Paul dit qu'en réalité, dans les cieux et sur la terre, il existe plusieurs dieux. Or, quand il dit plusieurs dieux, s'il dit ça dans la prédication, tu ne vas pas savoir de quel dieu il en est de parler. Mais en écrivant, on voit effectivement qu'il y a une différence entre le dieu en minuscule dont il parle et puis le véritable dieu. Il dit en fait, il y a plusieurs dieux dans le monde, mais pour nous, il n'y en existe qu'un seul. Oui. D'accord? C'est le seul-là, donc, qui va nous intéresser. D'accord? Donc, les millions de dieux-là ne nous intéressent pas du tout. Non. C'est celui, le seul vrai Dieu-là qui nous intéresse. Alors, si le seul vrai Dieu par qui nous sommes le Père de tous là, s'il est seul, les deux choses l'une, soit il est Jésus-Christ, soit Jésus-Christ n'est pas lui, n'est-ce pas? Oui. Okay. Donc, ça veut dire que la Bible ne peut pas enseigner que Dieu est un et à un moment donné montrer qu'ils sont plutôt deux, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc, ça veut dire qu'en réalité, le monothéisme veut que Dieu soit seul et ne partage sa gloire avec personne. Amen. N'est-ce pas? Oui. Ésaïe chapitre 9, mon cher, prends-y. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe, le chapitre 9, il y est. Il faut lire avant la ponctuation maintenant. Hein. Laisse les histoires de religion que le garçon là t'a troublé avec. Courage. Ésaïe, chapitre 9, vous avez ouvert? Oui. Ok. Maintenant, mettez le doigt dans Ésaïe, chapitre 9. Ouvrez Ésaïe, chapitre 45. J'espère que vous en avez noté. Ésaïe chapitre 9, verset 45. Oui. Il n'y a pas. Vraiment, hein? Ésaïe chapitre 45. Oui. Voilà. Dans Ésaïe chapitre 45, lis les versets 5 et 6. Ésaïe chapitre 45, versets 5 et 6. Oui. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Or moi, non, il n'y a point de Dieu. Or moi, il n'y a point d'autre Dieu. Donc, or moi, ça veut dire en dehors de lui. D'accord? Oui. Voilà. Donc là-bas, il a dit en dehors de lui. La personne qui en a parlé dit en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Oui, continue. Je teste saint avant que tu me connaisses. C'est enfin que l'on chasse du soleil le vent au soleil couchant. Que or moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Voilà, c'est bon. Maintenant, allons au verset 10, 15, 16, 17 et 18 de ce même chapitre-là. Et n'oubliez jamais de noter cela. Allons-y. C'est par l'Éternel que Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Amen. Non. Non. Dans le même chapitre, dans le même chapitre 45, versets 15, 16, 17 et 18. Le frère, il est en train d'entendre. Nous sommes dans le même chapitre. Ne quitte pas le chapitre 45. Mais tu es un Dieu qui te cache. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Ils sont tous honteux et confus, et ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles, car par l'Éternel d'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a permis. Créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habité. Je suis l'Éternel et il n'y a Oh là là, oh là là. Oui, allons-y, lis, mon cher. Je n'ai point en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point parlé en cachette. Pardon. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherche-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Continue, mon cher. Assemblez-vous et venez approcher ensemble. Réchappez des nations, ils n'ont point d'intelligence. Ceux qui portent les idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable, déclarez-eux et faites-le venir. Qu'ils prennent conseil des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis l'Éternel, Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis l'Éternel, je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchit devant moi, toute langue jugera par moi. En l'Éternel seul me dira-t-on, réside la justice, la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Voilà. Donc, en fait, il y a beaucoup de vérités là-bas qui sont accomplies dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, mes chers frères et sœurs? Bonsoir à la sœur Christiane qui ferait mieux de fermer son micro après avoir dit bonsoir à toute l'assemblée. Bonsoir, bien-aimé. Et puis, le micro fermé maintenant, et puis, quand ça fait plus de bruit. Voilà. Maintenant, nous voyons dans cet Esaïe, chapitre 45, mes chers amis, La révélation de ce que Dieu lui-même a dit de sa propre personne. Hein? Il dit que c'est en lui seul que réside la justification. En lui seul. Il n'y en a point d'autre. C'est lui seul qui est le Dieu qui sauve. Vous comprenez les attributs, n'est-ce pas? La justification, le salut. Le salut éternel, il a même dit le salut éternel, ça vient uniquement de lui. Et là, il a dit tout genou fléchira devant lui. Et vous voyez distinctement ces choses dans le Nouveau Testament accomplies dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Il n'y en a point de sauveur en dehors de Jésus. Il n'y en a point. Regardez, allons au chapitre 46 cette fois-ci et lisons quelque chose. Il n'y a pas de temps de balancer dans les Écritures pour voir toutes ces choses-là. Vous y êtes. Regardez, verset 9 du chapitre 46. Verset 9 du chapitre 46. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Oui. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Voilà, c'est bon. Donc Dieu dit qu'il est, il n'y a nul qui est semblable à lui, n'est-ce pas? Amen. Allons au chapitre 43, il va vous montrer quelque chose. Vous y êtes? Amen. Bon. Dès que vous avez ouvert, je vous donne quelque chose. Chapitre 43. On va y revenir. Verset 3, la partie A. Oui. Oui. Lis, mon cher. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Le Saint d'Israël, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Dieu, donc pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Bon, je frère, donne des hommes à ta place. Ça va, mon frère, ça va. La première partie, ça a été lu et puis la connexion, je crois que la connexion a fait que ça sautille comme ça. Relis les deux premiers versets seulement, dans la partie A, jusqu'à Sauveur. Ésaïe 43, verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Voilà. Non, maintenant, on dit le Saint d'Israël, ton Sauveur. N'est-ce pas? N'est-ce pas, mon cher? Oui. Donc, on dit, la personne qu'on appelle le Dieu d'Israël est son Sauveur. Et un autre attribut, lui est donné ici, on l'appelle le Saint d'Israël. D'accord? On arrive tout à l'heure. Maintenant, verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 11. C'est moi qui ai. Pardon. Isaïe 43, verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Stoppons là-bas. Donc, en dehors de l'Éternel, il n'y a point d'autre sauveur. Bon, maintenant, si vous acceptez que Jésus-Christ est sauveur, dans ce cas, Dieu, lui, il manque, parce que dans ce cas, on aurait deux sauveurs, n'est-ce pas? Il dit bien, Dieu dit ici qu'il y a combien de sauveurs? Un seul. Bon, dis-moi, le nom du sauveur là, c'est quoi? Je suis l'Éternel et hors moi, il n'y a point de sauveur. Oui. Quel est le nom de sauveur? Le nom du sauveur? Jésus-Christ. Oh, mais Jésus-Christ, donc, et Dieu, lui, il est quoi? Puisque l'Éternel a dit là-bas qu'en dehors de lui, il n'y a point de sauveur. Et tu viens de dire maintenant que le sauveur, lui plutôt, c'est Jésus-Christ. Donc, il y a combien de sauveurs, mon cher Frédéric? Il n'y a que un seul sauveur. Lequel? Jésus-Christ. Tu dis ça parce que tu veux fuir déjà comme ça ou c'est quoi le problème? Non, je veux pas fuir. Tu es toujours là, n'est-ce pas? Ok. Donc, en réalité, bon, en tout cas, le verset n'est pas fini. Il y a quelque chose qui va dire qu'il a prédit, sauvé, ainsi de suite. Finis le verset. D'abord, le verset 11, allons-y. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Donc la personne qui a annoncé, prédit, c'est lui-même qui sauve, n'est-ce pas? Donc la personne qui a annoncé le salut, parce qu'il a dit qu'Israël obtiendra un salut éternel de la part de l'Éternel, c'est lui-même qui est le sauveur, c'est lui qui vient pour sauver, n'est-ce pas? Allons au chapitre 47 encore, allons au chapitre 47. On y va. Lis le verset 4. Au verset 4. Oui. Isaïe 47, verset 4. Oui. Notre rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. Voilà, donne-moi, tu as combien de rédempteurs, toi, que tu connais? Un seul. Mais Jésus-Christ, lui, il est quoi? Un rédempteur. Il est aussi ton rédempteur? Oui. Ça fait combien? Ah oui, il n'a pas compris. Ça fait combien? J'entends pas bien. Il dit, ça fait combien? Ça. Avec un seul rédempteur. Donc son nom c'est qui alors? Oui, Jésus-Christ. Rentrons dans le chapitre 43, le chapitre 44. Isaïe, la divinité là-bas, beaucoup. Je vais vous faire les jeux de tennis comme ça à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Chapitre 44, vous y êtes? Oui. Verset 6, mon cher, lis encore. Verset 6, 7, 8, 9. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point d'autre, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et qu'il doit arriver. Continue. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a point d'autre rocher, je n'en connais point. Bon, attends, il y a combien de rochers? Un seul. Lequel rocher? Le nom du rocher, c'est quoi? Il n'y a point d'autre rocher, je n'en connais point. Le rocher. Quelle est la pierre angulaire frappée, choisie, pressée devant Dieu? C'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Hein? Toujours comme ça. Hein? Continue, mon frère, continue. Verset 9. Ceux qui fabriquent les idoles ne sont tous que vanité, et leur plus belle œuvre ne sert à rien. Elle le moi, elles n'ont ni intelligence afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous et qu'ils se présentent et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Voilà. Le forgeron fait une hache. C'est bon, mon cher. Chapitre 41, verset 14. Chapitre 41, verset 14. Ne crains rien. Vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voilà. Tu as entendu ça? Oui. Le sauveur d'Israël, c'est le Saint d'Israël, n'est-ce pas? Le sauveur d'Israël, c'est encore le sauveur d'Israël, c'est celui qu'on appelle le Saint d'Israël, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, au chapitre 43, il vous montre encore quelque chose. Chapitre 43. Ouvrez le chapitre 43 et en parallèle avec Jean chapitre 1. Ou bien Jean chapitre 2. Oui, Jean chapitre 1 et chapitre 2. Chapitre 1 particulièrement. 43. Oui. Vous y êtes? Lis le verset 15, mon cher. Il a dit 43, verset 15. Oui. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Pardon? Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Donc, le verset dit que l'Éternel est en même temps le Saint, le Créateur d'Israël, oui, et le Roi. Donc, il est le Roi d'Israël, n'est-ce pas? Mmh. Et dans Zacharie 9:9, la Bible déclare que ce roi devait monter en entrant à Jérusalem, à Sion, rejoue ta fille de Sion. N'est-ce pas? Parce que ton roi vient à toi, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes chers? Maintenant, lis le verset 49 de Jean, chapitre 1. Remarquez que depuis, on lit seulement les versets et vous comprenez ce que ça dit, n'est-ce pas? Verset 49 de Jean 1. Et on a vu clairement qu'en dehors de lui, il n'y a point de sauveur, n'est-ce pas? En dehors du roi d'Israël. Allons-y, verset 49, allons-y, 1, 2, 3. Je ne sais pas encore. Oh là là. Verset 49. Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Bon, souligne roi d'Israël. Est-ce que Jésus-Christ avait un royaume en Israël, là-bas, un endroit, un trône où il partait s'asseoir? Non. Comment quelqu'un qui marche partout, il n'a même pas là où il va dormir, on l'appelle roi d'Israël. D'accord, mon cher. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 14. Je m'excuse de vous balader tout à l'heure, tous ces soirs, d'accord? Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 14. Remarquez très attentivement que j'ai fait exprès que dans Ésaïe, chapitre 9, qu'on y garde le nœud. On n'a pas encore fait là-bas. Donc, quand on finit Actes des Apôtres, on revient à Ésaïe. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 14. Oui. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Relis encore le chapitre 43 de Ésaïe 15, chapitre 43, le verset 15 d'Ésaïe. Chapitre 43, verset 15 d'Isaïe. Je suis l'Éternel, votre saint, le créateur d'Israël, votre roi. Donc, celui qu'ils ont tué là-bas, il s'appelait qui? Jésus-Christ. Le saint. Bon, je crois que ce sera bien comme ça. Alors, au chapitre 35 d'Isaïe. Isaïe 43, verset 35. Non, Isaïe chapitre 35. Ah, pardon. On y va. On va lire les versets 1 à 6. On va s'arrêter là-bas. Ésaïe 35, verset 1 à 6. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égarera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Voilà. Donc quand ces miracles se produiront, on a vu ça, cela produit, n'est-ce pas, sous le ministère de Jésus, n'est-ce pas? Amen. Bon, lis le verset 4 encore. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Qui viendra lui-même pour sauver? Lui-même. Qui viendra pour sauver, mon cher Frédéric? Dieu. Donc, dit Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu au milieu des hommes pour les sauver, donc, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a qu'un sauveur. Mmh. Il n'y a point de sauveur en dehors de lui, n'est-ce pas? Amen. Chapitre 9, donc, versets 5 et 6. Chapitre 9. Verset 5 et 6, c'est là où nous avons commencé, non? Chapitre 9, verset 5 à 6. Oui. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Oui. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. De donner à l'empire de l'accroissement. Ça va. Qui est le prince des pères? Qui est le prince des pères? Jésus-Christ. Qui est l'enfant né? Jésus-Christ. Qui est l'admirable conseiller? Jésus-Christ. Qui est le Dieu puissant? Jésus-Christ. Comment tu parles-tu, Rianco, mon cher? J'ai entendu une ridicule explication d'un quelqu'un qui se prononce prédicateur qui dit que non, ici ce n'est pas Dieu qui va l'appeler, c'est on qui l'appellera. Donc on est inconnu. C'est quand même terrible. Mais vous ne pouvez pas esquiver là-bas. Là-bas on dit Jésus-Christ, l'enfant qui va naître est Dieu. Il n'y en a pas deux. Et la Bible est claire dans ce même Ésaïe qu'il n'y en a point d'autre Dieu que Dieu. Donc cet enfant-là, c'est Dieu viendra, c'est Dieu lui-même qui viendra pour sauver. Amen. D'accord. Donc, si les gens ne comprennent pas la parole, qu'ils se cachent tranquillement, ils rentrent enseigner. S'il faut enseigner quelque part, ils enseignent l'enseignement qui donne l'argent séculier. Mais on laisse l'autre cible aux enseignants de la Bible. Mm-hmm. Il est écrit là-bas que cet enfant est Dieu. Donc, dès le départ, mon cher Frédéric, j'étais pris dans un autre sens. Hein? On a écarté la différence entre le Dieu de la Bible et tous les autres dieux qu'il y a dans les cieux et sur la terre. On les a mis de côté pour examiner le seul Dieu de la Bible. Et le seul Dieu de la Bible lui-même proclame qu'il n'y en a point d'autre en dehors de lui. Il n'en connaît pas. On a pris l'attribut des sauveurs. Il a dit qu'il n'y a pas de sauveur en dehors de lui. On a pris l'attribut des rédempteurs. Il n'y a point de rédempteur que lui. On a pris la personne à qui, devant qui les genoux fléchissent. Il n'y a que lui. Il a dit que c'est par lui qu'on sera justifié jusqu'aux extrémités de la terre. On a pris maintenant l'attribut de Dieu lui-même, le titre de Dieu. On a vu effectivement que ce Dieu-là est unique. Donc, si on voit une autre personne encore de la Bible qui se proclame comme étant ce Dieu-là, c'est que c'est la même personne qui en a parlé autrement. C'est aussi simple que possible, n'est-ce pas? Parce que la base, c'est qu'il n'y en a point, il n'y a pas deux dieux. D'accord? Oui. Bon, maintenant, il reste à savoir maintenant, si on parvient à voir que, de façon claire, c'est écrit que Jésus est Dieu, Dieu lui-même. Parce que là, on dit que c'est un enfant. Peut-être on pourrait dire que c'est Dieu qui est en train de nous jouer le sale tour. Alors, dans 1 Jean chapitre 5. Je sais que c'est un verset que les gens souhaiteraient que ça quitte dans la Bible, mais ça ne peut pas faire autrement que de rester là-dedans. Franchement. Vous êtes dans 1 Jean au chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Lisez le verset 20, mon cher. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu, le seul Dieu véritable, le Dieu véritable et la vie éternelle. Pardon? Qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ok, je crois que ça devait régler le problème maintenant, n'est-ce pas? Donc là-bas au moins, de façon claire, c'est écrit que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, s'il y a un autre Dieu qui se proclame Dieu, celui-là n'est pas véritable. C'est aussi simple que possible, n'est-ce pas? Donc, même si tu vois Dieu le Père qui tue au Fils n'importe comment, ça veut dire que ça a une autre compréhension parce que Dieu ne partage pas sa gloire à une autre personne. Amen. Dans Ésaïe, on a vu clairement comment Dieu a proclamé que c'est lui qui a créé toutes choses, n'est-ce pas? Au chapitre 43 et 45, on a vu effectivement qu'il a dit que c'est lui qui a créé toutes choses et toutes choses. Toutes choses suivies sur la terre et dans les cieux par lui, n'est-ce pas? Et on voit dans le livre de Genèse comment la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. L'esprit du ténèbre se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut. On voit cela dans la Genèse, n'est-ce pas, mon cher? Colossiens chapitre 1. Colossiens le chapitre 1. Vous y êtes. Colossiens chapitre 1. Lis-nous le verset 15. 16. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Qui ça? On parle de qui? On parle de Jésus-Christ. Que tout ce qui est les visibles et les invisibles, qui les a créés? Qui a créé? Dieu. Non, relis le verset. Le verset dit que qui a créé toutes choses, les visibles et les invisibles? Qui a créé? Il est l'image du Dieu invisible, oui. Le premier-né de toute la création. On parle de qui là-bas? On parle de Jésus-Christ. Continue. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Bon, tout a été créé par qui? Par Dieu, par Jésus-Christ. Non, relis encore le verset. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé pour lui, par lui et pour lui. Voilà, je recommence encore. Qui a créé toutes choses? Lui-même. Qui ça? Ah, je n'ai pas bien entendu. Qui a créé toutes choses? Lui-même. Lui-même, c'est qui? Jésus-Christ. Donc tu veux dire que Jésus-Christ est le créateur? Oui, par rapport à ce verset. Non, pas par rapport à ce verset. Tu veux dire que Jésus-Christ est le créateur? Ou bien tu as peur de dire? Oui. Non, j'ai pas peur de dire. Dans Ésaïe, on avait vu que Dieu disait clairement que c'est lui qui a créé toutes choses et toutes choses, celui qui a formé toutes choses dès le commencement. C'est pas lui? Oui. Et aussi on dit que qui a créé toutes choses? C'est encore lui. Lui qui? Jésus-Christ. Non, dans Ésaïe, on ne parlait pas de Jésus-Christ, on parlait de Dieu. On parle de l'Éternel. On a dit l'Éternel, je suis l'Éternel, le créateur des cieux et la terre. C'est moi qui ai créé, oui, la terre, fondée, la fin pour qu'elle soit qui se juge toujours. C'est ce qu'on a lu là-bas, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bon, la terre, c'est quelque chose de visible, non? Mm-hmm. Si moi encore quelque chose de visible que tu connais. Quelque chose de visible que je connais. Oui. Le ciel. Quelque chose de visible plus proche de toi que tu connais. La chaise. Comme ta tête, par exemple, n'est-ce pas, mon cher? c'est plus proche de toi. Qui a créé ta tête là que tu vois là? Ta tête qui veut comprendre là? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui a créé. Oui. Mais Colossiens dit que qui a créé? Colossiens dit que c'est Dieu qui a créé. Que c'est qui a créé, mon cher? Mm-hmm. Colossiens dit qui t'a créé? Qui m'a créé? Oui. C'est Dieu. C'est ce que Colossiens dit. Je vais le dire. Relis, mon cher. Car en lui, je vais lire à partir du verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. On parle de l'image. Oui. On parle, on parle, Quand on parle de l'image, Non, c'est pas l'image qui commence. C'est pas l'image qui commence. Il y a un il d'abord qui est l'image. Allons-y, on commence. Il est l'image. L'image de Il Dieu. est l'image Donc c'est il de qui nous Dieu intéresse. invisible. Oui. C'est donc c'est Jésus-Christ. Ok, donc là tu comprends que c'est Jésus qui est l'image de Dieu invisible. Oui. Ok, continuons. Le premier-né de toute la création, Oui. car en lui ont été créés Maintenant, on va tous les pronoms possessifs et pronoms personnels qu'il y a là-bas, on va remplacer par Jésus pour que ça soit un peu plus clair, n'est-ce pas? Relis ce verset partout où il y a le pronom possessif qui désigne Jésus, remplace par le nom Jésus. On va y aller. Allons-y. Car Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le Oui. premier-né de toute la création. Oui. Car en Jésus-Christ ont été créées toutes les choses et sur la terre, Oui. les choses invisibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Ah, là maintenant c'est clair, n'est-ce pas? Amen. Cite-moi quelque chose d'invisible que tu connais voir. L'air. Encore une autre chose d'invisible. Alors que je l'ai visible. Dieu. Encore quelque chose d'invisible. Si Dieu dit une chose pour toi, allons-y, continue comme ça. Avant que je n'invisible, Oui. j'ai dit l'air. Si tu as la cité, cela. Continuons. La pensée, Continue. Donc, toutes ces choses, qui les a créées? c'est Jésus-Christ. Tu es sûr? Oui. Mais si quelqu'un te dit maintenant que Dieu a dit dans Isaïe que c'est lui qui les a créés, qu'est-ce que tu diras? Si quelqu'un me dit que dans Isaïe, Oui. Dieu réclame qu'il est le créateur, comme on a lu là. Qu'est-ce que tu lui diras? il dirait que ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Ok. Donc finalement, il n'y a qu'une seule création et deux créateurs, ou bien il y a un seul créateur qui parle de la création sous plusieurs formes. Il n'y a qu'un seul créateur qui parle de la création sous plusieurs formes. Voilà. Maintenant, revenons dans ton verset que tu as posé de ne pas. Revenons dans 1 Corinthiens 15. C'est toi qui vas expliquer maintenant cela. Allons-y. Un Corinthiens 15, là où nous étions. Merci, ma soeur Christiane, d'avoir pris le train en retard, mais en étant dans le train quand même. Voilà. Voilà. Un Corinthiens chapitre 15, c'est là où la question est partie. Et je vais amplifier la question maintenant. Après avoir touché cette question, on va amplifier la question pour d'autres questionnements que les gens posent sur la divinité du Seigneur Jésus. Son cri à la croix, sa prière dans le jardin, lorsqu'il a été baptisé, qu'il parlait dans le ciel. On va toucher tous ces versets-là maintenant. Tu y es, mon cher. Oui. Maintenant, lis-nous le verset 27 et 29 et 8, 28 encore une fois de plus. Dieu en effet a tout soumis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Oui. Maintenant, explique-moi toi aussi maintenant, avec toute la compréhension dont on nous a balayé, le Saint-Esprit nous a balayé dans la Bible maintenant. Et tu arrives à la conclusion que c'est un seul créateur qui parle de sa création sous plusieurs formes. Qu'est-ce que tu peux dire donc, dire ce que tu es en train de poser comme question ici? Qu'est-ce que tu comprends donc finalement? C'est l'avènement. Je comprends que c'est l'avènement. Je vais revenir moi-même. C'est-à-dire que tu diras comme ça à une grande mère village qui ne comprend pas cela, que c'est l'avènement, et puis tu quittes là-dessus, tu fuis comme ça, n'est-ce pas? Non, non. Non, je vais pas faire comme ça. Bon, et je veux que tu... Parce qu'on dit clairement, on voit l'attitude de soumission, n'est-ce pas? On dit clairement que parce que la Bible déclare que Dieu a soumis toutes choses à Christ. Et on dit là, entre parenthèses, que lorsqu'on dit que toute chose lui a été soumise, il est évident que celui qui a soumis toutes choses lui a accepté. Lorsqu'on analyse, on voit effectivement qu'il y a un supérieur qui dit à quelqu'un que je te donne toutes choses. Et là, Lorsqu'on prend l'histoire de Pharaon, par exemple, si vous prenez l'histoire de Pharaon et de Joseph, on voit effectivement comment Pharaon, il y a un grand qui soumet tout le royaume à Pharaon, à quoi, à Joseph, que tu auras le contrôle de toutes choses, excepté moi. On voit cela, n'est-ce pas? Il y a des choses soumises à Joseph. Il y a Joseph sur la domination. Il y a quelqu'un au-dessus de Joseph. Qu'est-ce que tu as en dire ici, là? Bon, je vais comprendre. Je crois qu'il veut t'aider à expliquer, à comprendre les choses. La Bible parle du royaume de Dieu ou bien du royaume de Christ. Le royaume de Dieu. C'est des mondes, là, on parle plutôt du royaume de Christ. Qu'est-ce que tu vas dire? Si, je n'ai pas même compris la question. J'ai dit, la Bible parle du royaume de Dieu. Quand on se répand pour quel royaume? Ou bien pour le royaume de qui? Pour le royaume de Dieu. Bon, maintenant, si tu montres là, on parle maintenant du royaume de Christ partout dans la Bible aussi. Qu'est-ce que tu vas dire? Je vais dire que c'est la même personne. Que c'est la même personne. Donc, si on se répand pour le royaume de Dieu, même pour le royaume de Christ, n'est-ce pas? Oui. Dans un royaume, il y a combien de rois? Un seul. Lequel est roi? Pardon, j'ai pas bien compris la question. Qui est donc roi de ce royaume-là? Dieu, Jésus-Christ. Vraiment, Dieu ou c'est Jésus-Christ? Mais Dieu. On a vu dans Isaïe tout à l'heure là que ton créateur oui, est oui, ton époux. oui, L'Éternel des armées oui, est son nom, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, si on reste dans l'Ancien Testament, le roi d'Israël, oui, c'est qui? Le roi d'Israël, c'est Jésus-Christ. Non. Mais dans l'Ancien Testament, attends, dans l'Ancien Testament, on ne connaît pas Jésus-Christ. Oui. Jésus, c'est le nom qu'il a pris au milieu des hommes. Je dis, si on reste dans l'Ancien Testament, qui est le roi d'Israël? Dieu l'Éternel. Ok, c'est l'Éternel. Donc, c'est ce que la version du second dit. Donc, ça veut dire que l'Éternel est le roi. Un roi, n'est-ce pas? Oui. Pour qu'un roi, un roi remplace un autre roi, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que le premier roi doit être? Comment le premier roi doit être? J'ai pas bien compris la question. Pourquoi un roi remplace un roi? C'est compliqué. On ne peut pas faire comprendre ces choses avec ces coupures-là. J'aimerais Dieu, franchement, vous faire comprendre cela. Dans un royaume, ou bien dans un pays. Oui. Quelle est la condition pour qu'un chef d'État soit remplacé par un autre? Pour qu'il gagne les élections. Ça, ce sont les élections. Dans un royaume, comment faire pour remplacer un roi? La succession. C'est-à-dire quoi? Abdiquer. C'est-à-dire? Laisser le pouvoir. Comment un roi va laisser le pouvoir? Comment alors qu'il est roi? Laisser le pouvoir de abdiquer, laisser le pouvoir à son fils. C'est-à-dire quoi? Comme quel exemple de roi que tu as entendu sur la terre? Comme ici en Belgique, le roi, je crois que le roi a laissé la place à son fils, le roi Philippe. Il a abdiqué. Le roi qui? Le roi Albert II. Mm-hmm. Avant Albert II, avait fait lui, vous l'avez fait comment pour Albert II prendre le pouvoir? Il avait pris la place de son frère, le roi Baudouin. Le roi Baudouin, lui, il avait fait comment pour vous prendre pour le pouvoir, lui aussi? Il avait pris la place de Albert Ier. Albert Ier, il avait pris la place. Albert Ier l'a laissé tranquillement prendre ça, n'est-ce pas, mon cher? Oui. Donc, Albert Ier a quitté son palais, il est parti, il a laissé son frère prendre le pouvoir, c'est ça? Non. Non, c'est-à-dire quoi, mon cher? Je ne sais pas. Bon, l'histoire dit quoi? Comment on a quitté Albert Ier pour Albert II ou Baudouin 1 ou Baudouin 2? Comment on est la généalogie. La généalogie. L'un était au pouvoir alors que l'autre était vivant? Non. Comment l'autre, le deuxième est venu? Non, non. Le premier était pour que le deuxième vienne au pouvoir? Pourquoi l'autre vienne au pouvoir, il fallait d'abord que l'autre soit mature. Il fallait d'abord que l'autre soit capable de pouvoir soutenir l'autre. Quelle est la durée d'un roi? Le pouvoir d'un roi va jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire quoi, mon cher? Jusqu'à la mort. C'est simple, c'est ce que je voulais te faire comprendre depuis que le roi n'a pas de limite de pouvoir. Donc la seule possibilité, c'est qu'il faut qu'il meure. D'accord? Mm-hmm. Ou bien sur le cadre humain qu'il ne soit pas apte à assumer ses fonctions. N'est-ce pas? Mm-hmm. Oui. Voilà. Revenons dans le cadre de la Bible. Dieu est roi, oui ou non? Dieu est... Dans l'Ancien Testament, on a vu clairement là qu'il était roi. Oui. À quel moment donc, il va faire comment pour cesser d'être roi? Quand il sera mort. Bravo, métier. Mais c'est bon, il est en train de bien comprendre. Ok. Et à quel moment Jésus, lui, va prendre le pouvoir pour aider? Parce que Jésus aussi est roi, n'est-ce pas? Oui. Mm-hmm. Nous sommes d'accord que Jésus est roi. Oui. Et on dit que son roi... Oui, mon cher. Non, continue. Ok. Jésus-Christ, son royaume va prendre fin quand? Jusqu'à ce qu'il meure. Donc Jésus va encore mourir? Non. Bon, avant qu'il ne meure la première fois, il avait régné. Avant qu'il ne meure la première fois, non. Donc, mais ça veut dire que il est mort la première fois sans avoir régné. Mais il est quand même roi, n'est-ce pas? Oui. Donc il sera roi, n'est-ce pas? Oui. Son royaume, la durée de son royaume va s'étendre jusqu'à quand? Éternellement. Donc, si c'est éternellement, ça veut dire que ça ne s'arrêtera pas, n'est-ce pas? Oui. Entre temps, Dieu sera quoi? Entre temps, Dieu sera toujours éternellement. C'est-à-dire quoi? Avec quel titre? Roi, il sera aussi roi ou bien vice-roi? Roi. Donc il y aura deux rois dans ce royaume-là? Non. Combien de rois? Un seul. Un seul? Lequel? Dieu ou Jésus? Jésus. Donc Dieu, lui, sera mis de côté? Non. C'est-à-dire quoi donc, non? C'est-à-dire que ce sera une seule personne. Et qui? Jésus-Christ. Donc Dieu sera tellement vieux qu'il va donner le royaume à son fils une fois, comme David avait été vieux, il a donné à Salomon quoi. Non. Dans ce cas, Dieu sera où? Dans... Dieu sera lui-même roi aussi. C'est-à-dire qu'il y aura donc deux? Non, il n'y aura qu'une personne, une seule personne. Apocalypse chapitre 2, chapitre 22, allons-y là-bas. Que Dieu vous bénisse. Répéter. Apocalypse. Quel chapitre, s'il vous plaît? Lisons le chapitre 21 d'abord, les 5 premiers versets. Merci. La sœur peut-elle lire du chapitre 21, les 5 premiers versets d'abord. Ok. Chapitre 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Voilà, on va s'arrêter. Et il me dit... Non, c'est bon, okay. Le verset 5. Relis encore le verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écris. Par ces paroles sont certaines et véritables. Voilà, entouré, car ces paroles sont certaines et véritables. Entouré, c'est lui. C'est terrible. On pourrait passer 5 heures de temps ici, là, maintenant, étudier maintenant seulement cela. Voilà. Maintenant, notez le psaume 10, le verset 16. On va y aller maintenant, avant de revenir dans cet apocalypse, là, maintenant. On va lire quelque chose. Le psaume 10. Psaume chapitre 10. Psaume 10. Puis vous préparez le chapitre 12 de, Jean. Donc, psaume 10, verset 16. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Bon, ici, il dit, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et là, on dit que l'Éternel est comment? On dit, l'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Mm-hmm. Les nations sont exterminées de son pays. Voilà. Donc, en réalité, ça veut dire que quand la chose nouvelle, c'est qu'il renverse tous les destins des méchants, tout est là, mais il est à perpétuité roi. Amen. Là, ça pose problème. Parce qu'à perpétuité, il est roi. Jésus-Christ est roi éternellement. Son royaume n'aura pas de fin. Et il n'y a qu'un seul royaume. Vous devez résoudre des problèmes ici, là, maintenant. Il n'y a qu'un seul royaume. Ce royaume-là est distinctement appelé royaume de Christ ou le royaume de Dieu dans la Bible. Donc, du royaume de Christ, royaume de Dieu, c'est la même chose, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et là, on dit que Dieu est à toujours, à perpétuité, il sera toujours roi. N'est-ce pas? Mm-hmm. Et ici, on dit que Dieu est à perpétuité roi et on dit que quelqu'un était assis sur le trône maintenant. Il dit, voici, vous faites toutes choses nouvelles. Vous êtes prêts pour le choc? Mm-hmm. Jean chapitre 12, verset 47 à 49. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 47 à 49. Si quelqu'un en... je peux y aller? Tout le monde y est déjà. Hein? Mm-hmm. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Oui. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Pardon. Car je n'ai point... La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc, ça veut dire que La parole doit juger au dernier jour. Mm-hmm. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, et la Bible déclare dans Actes des Apôtres, au chapitre 17, que Dieu va juger le monde par l'homme dont il a ressuscité d'entre les morts. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Amen. Ouvrez Jean chapitre 5, cette fois-ci. Jean chapitre 5. Ok, vous êtes prêts? Mm-hmm. Après cela, je vais vous donner le verset. Verset, vous y êtes? Mm-hmm. Verset 20 et suivant. Prenons directement le verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a mis tout jugement au Fils. Encore. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Le même verset, assimilons le verset. Qu'est-ce qu'il dit le verset là? Le verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ok. Maintenant, on a un problème à résoudre maintenant. au moins, vous savez, dans le livre d'Apocalypse, vous avez vu lorsque le jugement, lorsque le trône du jugement est posé, qui est assis sur le trône pour juger là-bas dans Apocalypse, quand vous lisez Apocalypse? Jésus-Christ est à la droite. Frère Frédéric, tu y es? Mmh. Quand tu lis Apocalypse au chapitre 20, qui est sur le trône là pour juger? Parce qu'ici, il a dit clairement que le Père ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Pendant que le Fils est en train de juger, le Père, il est en assemblée, il est dans une salle de voir comment le Fils juge, n'est-ce pas? Oui, il est là. Oui, il est là, il ne dit rien, n'est-ce pas? Oui. Chapitre 20, verset 11. On y va. Qui lit le chapitre 20, verset 11? Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Vous voyez cette grandeur de cette personne qui est assise sur ce trône-là, au point où le ciel disparaît devant sa face. Laissez les gens mépriser le Fils de Dieu. Laissez que les gens le traitent n'importe comment aujourd'hui. Ce jour-là, toujours sera fermé. Quand il rencontrera celui qui est assis sur le trône pour juger de toutes les actions qui se seraient passées sur cette terre-ci. On y va. Continue l'adresse. Je ne sais pas si vous comprenez là où je suis en train d'arriver. On est quitté d'un endroit où on nous a dit clairement que l'Éternel est assis sur son trône pour toujours, à perpétuité. Et on voit finalement maintenant que Jésus dit que le Père ne juge personne, c'est il a remis le jugement entre ses mains. L'apôtre Paul avait déjà dit ça dans Actes Apôtres chapitre 17, que Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance appelle maintenant tous les hommes qui sont assez repentis, parce qu'il a fixé un jour jugera les hommes, par l'homme qu'il a ressuscité entre les morts. Vous voyez là, n'est-ce pas? Voilà. Et là, on se retrouve dans Apocalypse, ici dans 20, on voit effectivement, on dit seulement que celui qui était assis sur le trône, on donne seulement le renseignement que c'est la personne qui était assise sur le trône pour juger tout le ciel et la terre fut roulé devant sa face. Au chapitre 21, la personne qui est assise sur le trône dit maintenant qu'il fait toutes choses nouvelles. Cette personne qui est assise sur le trône, n'est-ce pas? Frédéric, garde ceci bien en mémoire, sois attentif maintenant avec la façon dont je suis en arrivé. Maintenant, alors au chapitre 22, verset 1. Le verset 1 et verset 3. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Apocalypse, tout le monde y est. Vérifiez toujours que chaque personne a suivi, tout le monde a suivi la page. Chapitre 22, verset 1 et 3. Tout le monde y est? Mmh. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc, combien de trônes? Frédéric, combien de trônes? Un seul. Pour combien de personnes? Deux. Bien ça. Donc, ça veut dire que c'est un canapé, n'est-ce pas? Non. C'est-à-dire quoi? Que l'un est assis sur le pied de l'autre? Non. Ou bien que Dieu est à la droite. Parce que là-bas, on parle. Jésus est à la droite de Dieu le Père. Ok, à droite, ça veut dire qu'ils sont assis sur la même chaise, mais sur le juste qui est décalé à droite, quoi. Non. Explique ce que tu as dit. Bon, Jésus est à la droite de Dieu le Père, et c'est lui qui jugera le monde. Donc, quand il sera entré à la droite pour juger le monde, le Père est à gauche. Non, il n'est pas à la droite. Mais si Jésus est à sa droite, c'est qu'il est à la gauche de Jésus. Non. Dieu seul est sur le trône. Oui. Et Jésus-Christ est debout à la droite. Tu dis Jésus, Dieu seul est sur le trône et Jésus est debout. Il est debout. Il est... Parce que si Dieu est seul sur le trône, forcément Jésus est debout puisqu'il n'y a qu'un seul trône là-bas. Oui. Mm-hmm. Donc Jésus n'a pas de trône, quoi. C'est ça, non? Non. Bon, attends, il y a deux trônes, donc, finalement. Non, il n'y a pas de trône. Combien de trônes? Il n'y a qu'un seul trône. Qui est assis dessus? Dieu le Père. Et le Fils, lui, il est où? Dieu le Père. Jésus. On a eu que Jésus, c'est Jésus qui est à la droite de Dieu le Père l'avocat. Pour l'avocat, pour manger l'avocat, hein. Le chapitre 20, nous sommes allés méthodiquement. Nous avons lu au chapitre 20, après avoir lu au chapitre 5, où il a dit que le Père ne juge lui-même personne, il a remis tout jugement au Fils. Et on est allé voir là où le jugement s'est passé. Le chapitre 20 de l'Apocalypse, ça se passe, non? On a vu qu'il y avait un grand trône blanc, là, il y avait une personne qui était assise sur le trône. Cette personne, c'est qui? C'est Dieu. Ok, donc finalement, Jésus avait menti en disant que le Père, c'est lui qui fait à la fin du camp, c'est Dieu qui a pris le jugement. Non. Qui était sur le trône? Par contre, je n'ai pas bien compris. Dans Jean chapitre 5, nous avons lu le verset 22, puis le verset 27, Jésus a dit de sa propre bouche que le Père ne juge lui-même personne, il a remis tout jugement au Fils. Oui. On est allé au jugement pour voir. Et là, clairement, quand il parle dans ce chapitre de Saint, le contexte montre que c'est le jugement dernier, parce qu'il dit que l'heure vient où tous ceux qui auront fait le bien entendront la voix du Fils de l'homme et sortiront du sépulcre. N'est-ce pas? Oui. Donc, on est allé dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 11, on a vu que qui était sur le trône du jugement? Jésus-Christ. Oui. Donc, entre-temps, Dieu, lui, il était où? Ça, je ne sais pas. Donc, ça veut dire que Dieu a quitté l'assemblée. Non, il n'a pas quitté l'assemblée. En fait, tu sais. Il regardait. Étant où il était plutôt debout, puisqu'il n'y avait plus de place. Non. Non, comment? Finalement, il y a combien de trônes? On résume. Il y a combien de trônes? Il n'y a qu'un seul trône. Qui est assis dessus? Maintenant, prenez le temps de lire Apocalypse. Lorsqu'on parle de ce trône-ci, vous allez vérifier que chaque fois c'est au singulier. Quand on dit c'est lui, étudiez du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, c'est lui dont il est question. Donc, chaque fois, on n'a pas dit ceux qui étaient assis sur le trône, on va te dire c'est lui. Maintenant, étudiez le celui à qui ça se réfère jusqu'à ce que vous résumez tous les celui qui est à l'intérieur d'Apocalypse pour savoir qui est sur le trône, d'accord? Mm-hmm. Voilà, je reviens à Frédéric. Frédéric, mm. À la fin du monde, qui va juger les gens? Mm-hmm. Et si c'est Jésus, tu as dit tout à l'heure qu'il est à droite pour manger les avocats. À quel moment il mange les avocats? À quel moment il mange les avocats? Non, tu as dit qu'il est avocat aussi, non? Oui, oui, oui. Dans ce livre de ne bouge pas ton micro. Il faut que tu perçoives bien. Et tous ceux qui avaient ces ambiguïtés ici. Dans cet Apocalypse chapitre 20, est-ce qu'à un moment donné, tu as vu un endroit où Jésus est assis pour pouvoir défendre les gens? Là, il jugeait ou bien il défendait? Non. On a dit dans la Bible que l'avocat a un trône. Non. Dans le jugement dernier, y a-t-il un avocat présent? Non. Alors, la question que je pose, elle subsiste. Qui est assis sur le trône? Jésus ou Dieu? Jésus. Quand Jésus est sur le trône, où est Dieu? Il est en lui. Il est en lui. Donc Dieu, il entre dans Jésus. Ils sont un. Ils sont un. Ils sont un. Et Frédéric, tu es d'accord avec cela? Oui. Là, maintenant, je vais te poser donc la question. J'ai d'abord qu'ils sont un. Ils sont un. Maintenant, Apocalypse chapitre 22, verset 1. Allons-y. Verset 1. Qu'est-ce que ça dit? Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Oui. Là, l'eau sort du trône de qui? De l'agneau? Parce que les deux là, ils s'assoient sur le même trône, n'est-ce pas? Il y a aussi un passage qui dit que je vis comme un agneau comme immolé, non, je crois bien. Qui était où? J'essaie quand même. L'agneau là était où? L'agneau qui était comme immolé, c'était où? Il n'était pas sur le trône. Tu poses la question, mais tu réponds. Enfin, je suis plus très sûr, en fait. Non, mais je suis en train de dire que le passage que tu as cité dans là, dans Apocalypse chapitre 5, il demande, dans Apocalypse chapitre 5, on dit que l'agneau est où? Qui est immolé? C'est simple, tu passes mon consulter, n'est-ce pas, ma soeur? Bon, entre-temps, je vais que vous lisez le verset 3 du chapitre 22 d'Apocalypse, le temps que vous trouvez cela. Qu'est-ce que ça dit? Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Là, ça nous pose un problème ici. N'est-ce pas? On va lire doucement. Je vais lire. On dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône, vous avez vu, des dieux et de l'agneau sera. Le sera est mis pour le trône, n'est-ce pas? Donc, le trône des dieux et de l'agneau sera dans la ville. Mais on dit, ses serviteurs le serviront. Le ceci est mis pour qui? Pour Dieu et l'agneau, c'est une même personne. Mais dans ce cas, si c'était deux, on disait, non, le français, on dirait quoi? Seront. Non, pas seront, au niveau de ces. Si c'était deux personnes, comme on voit ici, écrit littéralement deux personnes. Si ça avait été deux personnes dont on s'est référé, on devait mettre leur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, en réalité, il y a ce que vous comprenez. Comment. Ah, mon père. La tribu, pourquoi on couche ça dans le livre pour que vous compreniez? Dans votre langage, on les couche comme ça. Mais ce qui se trouve. Ah, mon Dieu, comment on fait pour vous comprendre ceci? Bon, ce qui est là, c'est que vous avez deux là, qui n'est pas deux en réalité, mais qui est un. On dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône des dieux et de l'agneau sera dans la ville. Le trône. Bon, il sera mis pour le trône. Maintenant, ici, on dit, ses serviteurs. On devait dire, leurs serviteurs les serviront et verront sa face, normalement, verront leur face. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Si ça avait été deux personnes, parce que les serviteurs ici. Vous avez remarqué, effectivement, l'apôtre Paul va se présenter distinctement comme apôtre de Jésus-Christ ou bien apôtre appelé par Dieu le Père. Vous voyez là, n'est-ce pas? Par la volonté de Dieu le Père, distinctement. Vous allez voir Jésus-Christ qui va apparaître à l'apôtre Paul et lui dit, je vais dans la vie, on te dira ce que je dois faire. Le chapitre 13 d'Actes des Apôtres dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part sur le Barabbas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Or, c'est Jésus qui l'a appelé dans la lumière et ici on dit que c'est le Saint-Esprit qui vient réclamer que c'est lui qui les a appelés. Vous comprenez, n'est-ce pas? Finalement, vous voyez l'Apocalypse chapitre 1, la personne qui s'est présente, on dit qu'il avait la main comme ceci, les pieds avec le ceci. Mais plutôt, quand on finit, maintenant, on dit que, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On ne dit pas ce que Jésus dit à l'église, on dit l'Esprit. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Donc, ici, on voit effectivement qu'on parle de Dieu et de l'agneau, mais les serviteurs, on parle de ses serviteurs. On ne parle pas de leurs serviteurs. C'est ça. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc la fonction, l'attribut de Dieu et l'attribut de l'agneau, c'est les mêmes attributs d'une même personne. Vous comprenez, n'est-ce pas? D'accord, Frédéric? Oui, je comprends. Ok, maintenant on revient donc finalement. La soeur Christiane, tu as trouvé ton Apocalypse chapitre 5? Oui, ça, j'ai trouvé. Tu as vu l'endroit, n'est-ce pas? On dit que l'agneau il était là comme immolé. Il était au milieu du trône, n'est-ce pas? Le lieu où il se trouve, c'est au milieu du trône. Tu as remarqué? Oui. Bon, ça pose problème. S'il est au milieu du trône, dans ce cas, qui vient donc prendre le livre entre les mains de celui qui est assis sur le trône? Il y a des gens qui lisent ça, ils ont dit qu'ils ont la révélation, qu'il a pleuré parce qu'il voit là deux personnes. Malgré que tu aies pleuré, même si celui-ci pleure n'importe comment, que oh, j'ai la révélation qu'ici il y a vraiment deux personnes. La chair de poule qu'il a, c'est le palu de la non-révélation parce que c'est voilé pour lui. Vous pouvez pleurer, avoir les chiens. C'est quand même fort. C'est quand même fort, ma soeur. Parce que quand je n'ai pas entendu la parole, nous voyons aussi que le Seigneur dit que nous, l'Église, on est assis sur le trône avec lui. Oui. C'est bien ça. Donc. Et entre-temps, même tu es assis maintenant en Belgique, tu es assis au Cameroun. Et il dit que nous sommes assis avec lui sur le trône. Mm-hmm. Dis-moi comment tu es en Belgique, que tu es, que tu es sur le trône là-bas. Mm-hmm. Oh, c'est des choses de Dieu. Mais j'ai oublié le verset qui disait. C'est comme si nous aussi on était dans les cieux. Oui, c'est dans Éphésiens chapitre 2, mon cher. C'est Éphésiens chapitre 2 dont tu parles, verset 6. Non, vous allez consulter là-bas pendant deux jours. Éphésiens chapitre 2, verset 6, il dit qu'il nous a reçus ensemble avec lui, il nous a fait ensemble avec lui dans les lieux célestes en Christ. D'accord? Oui. Donc maintenant, vous vous trouvez. Mais là, c'est pas. Ok, excuse-moi. Vous vous trouvez où donc à cet instant? Dans les lieux célestes. Non, chez toi là, chez le lieu céleste là-bas. Oui, je suis moi dans les lieux célestes, frère. Que Dieu vraiment vous bénisse. Maintenant, je reviens à Frédéric, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec le passage des 1 Corinthiens chapitre 15, effectivement. Tout le tour que j'ai pris pour balader comme ça et pour nous balader afin que nous découvrions les choses, c'est pour vous montrer quelque chose. C'est que, en réalité, le même Dieu joue plusieurs rôles dans son film que lui-même a écrit. Vous allez le voir un jour venir dans l'enlèvement pour retirer quelqu'un, pour aller dans la fête, celui qui est le mari. Et puis, pendant qu'on a dit comme ça, on dit qu'il est encore en Israël en train de marcher avec les 144 000 derrière lui. À un moment donné, on dit qu'il revient plutôt cette fois-ci en train de tuer les gens sur la terre. Ses pieds vont se poser de ce côté. Entre temps, il est sur le trône en train de l'adorer d'éternité en éternité. Donc, entre temps, finalement, ça dit qu'il n'a même pas quitté le trône. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit qu'il est omniprésent. Absolument. Applaudissons pour la sœur Claude. Elle n'aime pas où. Applaudissons pour elle. Voilà. Maintenant, allons-y dans le livre des Jean. Allons-y dans les gens. Jean chapitre 3. Je vous montre quelque chose. Jean le chapitre 3. Je comprends pourquoi les gens cherchent l'argent et ne prêchent pas la parole. Là, c'est dur. Au lieu de glisser à côté, quoi, il va chercher son argent vite. Il laisse le reste pas. Prenons d'abord le chapitre 1, verset 18. Quelqu'un lit cela. Chapitre 1 des Jean. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Encore, il veut que vous lisez, vous, juste que vous entendez des fois. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Vous avez entendu ce qu'il a dit là? Amen. Ok. Amen. Alors, si vous avez vraiment compris, vous direz Amen comme ça en sautant, franchement. Chapitre 3, verset 13. Amen. Chapitre 3, verset 13. Suivez très attentivement. Suivez vraiment très attentivement. Chapitre 3, verset 13. C'est la sœur Christiane qui va lire. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est terrible. Vous y êtes? Bon, qui en est de parler dans ces versets? Bon, pour rafraîchir la mémoire, il est question de l'histoire de Jésus et de Nicodème. C'est Jésus qui parle. Si vous aviez la Bible où on écrit ses paroles en rouge, vous verrez ces paroles-là en rouge. D'accord? Bon, maintenant, regardez, je vais lire rapidement à partir du verset 1. On va lire rapidement à partir du verset 1 jusqu'à tomber là-bas pour comprendre. C'est sa parole, c'est une suite de paroles qu'il a envie de raconter, d'accord? Oui. Écoutez très attentivement. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un des chefs des juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Vous avez vu cela? Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est grand, quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, ouais, effectivement, c'est un échange, c'est une conversation, non? Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté. » Où est la suite de la chose, n'est-ce pas? Vous avez compris maintenant qui a prononcé ces paroles? Le Seigneur Jésus. Okay, qui est le Fils de l'homme? Nicodème. Qui est le Fils? Jésus. Non, c'est Jésus. Voilà. Donc, nous savons que c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus, n'est-ce pas? Mm-hmm. Maintenant, regardez encore le verset 13. Regardez. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, virgule. Le Fils de l'homme qui était dans le ciel. Qui est dans le ciel? Qui est dans le ciel? Bon, qui est le Fils de l'homme? Qui est la personne qu'on appelle Fils de l'homme? Jésus. Jésus. Pendant qu'il en est de cause avec Nicodème, il lui donne le renseignement que le Fils de l'homme est où? Dans le ciel. Alors, dans le ciel. Qui est devant Nicodème? Jésus. Vous allez lire votre. On a dit qu'il était omniprésent. C'est partout en même temps. C'est donc pour cela qu'il peut dire aller partout de non, ce n'est dans le ciel. Comment, mon cher? Je disais que nous, ce n'est dans le ciel. Bon, donc ça veut dire que quand il était assis sur la terre, il était encore où? Dans le ciel. Parce que là où il parle à Nicodème, à cet instant, il est en train de l'informer qu'il est au ciel, il est ici. N'est-ce pas, frère? Bah oui, il est partout en même temps. Ah, voilà. Amen. Et donc, il a dit à ses disciples, il a dit lui-même que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent. Pour qu'il soit présent au même moment, il faut qu'il soit Dieu. Et il n'y a pas deux personnes qui ont l'omnipotence et l'omniprésence. Il n'y en a pas. C'est Dieu seul qui l'a cela. Il a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » On dit de lui que lors de la résurrection, il a apparu à 500 frères à la fois. Ça vous fait quoi là maintenant? Qui est Jésus? Il est Dieu. Frédéric. Omnipotent. Frédéric, omniscient. Dieu. Frédéric, qui est Jésus? C'est Dieu. Ok. Bon maintenant. Alors dans ce cas, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28, verset 27 et 28, vous allez comprendre différemment maintenant. Écoutez très attentivement. Il n'y a pas un moment où Dieu va devenir roi et Jésus va devenir roi pour laisser la place à quelqu'un. Il est né roi, il est toujours roi. Amen. Amen. Vous comprenez? Mais dans sa fonction de fils et dans la fonction du père, c'est deux mondes différents parce qu'il a des attributs et des choses qu'il est censé accomplir dans la fonction de fils. Quand la fonction du fils sera terminée dans son exercice de toutes les tâches qui incombent, il rendra maintenant dans la fonction du père parce que c'est en tant que père qu'il est en toutes choses. Absolument. C'est donc ça votre soumission. C'est pas comme quelqu'un dit, j'ai accompli la tâche, père, viens prendre la place. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est la mondanité dans l'esprit. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas comme, j'ai accompli maintenant l'œuvre, j'ai fini la mission, maintenant prends ta place. Ce n'est pas cela. Sinon, vous allez lire dans la Bible, vous lisez Apocalypse. Quand tout est mis à nu, quand tout est le jugement est là, vous ne verrez nulle part où Jésus a dit, ok, père, prends la place. Parce qu'on a dit clairement que quand tout sera mis de côté, il lui-même sera soumis au père. Lisez votre Apocalypse. Ça finit dans le chapitre 16, à partir du chapitre 16, il dit que moi, Jésus, j'ai envoyé mon âge dans les églises pour vous attester ces choses-là. Je suis l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Judas, le toit brillant du matin. Voilà comment il conclut le livre. Vous avez vu ce qu'il a dit? Jésus-Christ est Dieu éternellement. Amen. Amen. Donc, Jésus-Christ est Dieu le Père. Donc, si vous voulez, ça vous choque, ça choque, ça peut choquer quelqu'un, déchire sa Bible, déchire sa Bible, casse sa télévision, casse son écran, ou bien ferme son compte YouTube. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il sera toujours Dieu. Il n'est pas question de dire Jésus est-il son propre Père, parce qu'il n'est pas Père parce qu'il engendre un fils. Il est Père dans un titre de fonction. Je crois que ça trouble les gens. La tribu de la tribu du rédempteur est différente de la tribu du sauveur. Elle est différente de la tribu du protecteur. Elle est différente de la tribu de quoi? Du Messie. Elle est la tribu du Christ. Elle est la tribu du roi. Ah, c'est terrible. La tribu d'avocat. La tribu du Père. C'est différent. Ce sont les attributs. Donc les fonctions. Vous voyez? Parce qu'en fait, le Fils est là pour faire une certaine œuvre. Après que cette œuvre est achevée, il prend la fonction du Père pour continuer. Alléluia. C'est pour cela que le Père est éternel. Le Fils, la fonction du Fils n'est pas éternelle parce que c'est engendré. Le Fils est engendré, le Père n'est pas engendré. C'est quand même terrible. Amen. C'est quand même terrible. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Okay. Proverbe chapitre 8, prenez cela, on va lire quelque chose. Proverbe chapitre 8. Si vous voulez, j'ai glissé dans l'autre version ici, dans l'autre verset où j'ai dit que nous devons répondre à quelques interrogations, n'est-ce pas? À d'autres, d'autres versions également. Ouvrez le bon Proverbe chapitre 8. Je crois que Proverbe, c'est à côté des sommets, pourquoi vous ne couriez pas? C'est les terres pour faire les prosélytes. Chapitre 8 des Proverbes. Je crois que avec ça, on allait plus me poser des questions dans le monde entier, c'est qui ici, c'est qui là-bas, c'est qui là-bas. Mais de toutes les façons, frère, si je peux me permettre, il y a des enseignements dessus. Hein. Voilà. Bien expliqué tout ça. Séminaire. Je ne sais plus c'est quoi le, séminaire. Le titre. Ouais. Séminaire. Oui, voilà. Quelque chose comme ça, voilà. Et c'est bien expliqué. Et moi-même, j'avais déjà oublié l'autre là. Chapitre 8 du Proverbe. Jésus-Christ, c'est Dieu avec ou sans la vie. Mm-hmm. Voilà. Mais c'est dur, hein. C'est dur, ma soeur. Maintenant, je vais qu'on lise le verset. Non, je dis c'est Dieu. Ok. La soeur qui dit c'est Dieu, là, maintenant, lis à partir du verset 1, doucement. La sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez les instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et ma fortune est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. Arrête là-bas, ma soeur. Lis encore le verset que tu as lu là. Verset 22. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies. Stop là. Avant ses œuvres les plus anciennes. Stop. C'est quelle version tu as? C'est quoi? 8 secondes. Ok, maintenant. 8 secondes. Ok, la sœur Karine, la sœur Reine. Lis dans ta version le, mm-hmm. le même verset. Allons-y. C'est le verset 22, non? Oui. Mm-hmm. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Voilà. C'est quel verset? Avant ses œuvres les plus anciennes. Doucement, doucement. Moi, c'est lui. Moi, c'est lui second. Voilà. C'est toujours lui second. Hein. Frédéric, lis le même verset. C'est bon. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Voilà. Maintenant, nous voici devant un dilemme. Moi, j'ai autre chose. Hein. Pardon. Moi, j'ai l'Éternel m'a acquise. Ça, c'est encore une fois. C'est quelle version ça? Tu sors d'où avec ça? C'est... Louis second et la Sainte Bible. Voilà. Ça, dans lui, ta version Louis second dit cela. La sœur. La sœur Suzanne, ta version lui second dit, ta version lui second dit quoi? L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. Voilà, donc finalement, on a combien de versions, on a vu combien de choses par rapport à... Je sais pourquoi ils ont hésité sur ce verset. Alors, la sœur Reine dit, l'Éternel m'a quoi, créé. C'est la même chose avec Frédéric. Et la sœur qui lisait en premier, la sœur Christiane dit, l'Éternel m'a possédé et l'a acquise. Maintenant, vous lisez cela dans la majorité de lui, selon c'est écrit, créé, l'Éternel m'a créé. Continuons la lecture, vous allez voir quelque chose ne va pas. Allons-y. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je suis enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre avec auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Voilà, arrêtons là-bas, c'est bon. Et maintenant... Bon, là, maintenant, la première question, c'est qui parle ici? C'est la parole. L'intelligence. C'est ce qui, dans ta maison, c'est ça? La sagesse. La sagesse. La sagesse, oui, voilà, c'est ça. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Donc, c'est la sagesse qui en a parlé, n'est-ce pas? C'est la sagesse qui est personnifiée ici. Mm-hmm. Bon, maintenant. Bah oui, Notez... On va prendre quoi? Vous avez les stylos, n'est-ce pas? Mm-hmm. C'est quand même compliqué, mais s'il vous plaît, permettez-moi de dire doucement. Notez le psaume 104, le verset 24 et 25. Je vais dire, notez, vous dites, je vais donner des choses. Dès que vous avez noté, vous me dites. Il n'y a pas de problème de noter, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez noté? Mm-hmm. Notez Hébreux chapitre 7 et Michée chapitre 5. Frère, s'il te plaît, tu peux répéter à la psaume 104, c'est ça? Quel verset? 24 à 25. Merci. De rien, madame. Michée. Michée chapitre 5 et... Michée chapitre 5 et Hébreux chapitre 7. Ok. Dès que vous y êtes. Merci. On va avancer doucement. Maintenant, ouvrez ces Hébreux, psaume 104 là. Quelqu'un lit. S'il vous plaît, ne fermez pas ce proverbe. Vous y êtes. Quelqu'un lit donc. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Voilà. Ma sœur, je vous pose la question. Je vous pose la question donc. Mmh. Dieu Dieu a fait le monde, la création, tout cela. Il les a fait d'après ce souverain. Il l'a fait avec quoi? La parole. Sagesse, oui. Avec sagesse. Avec sagesse. Voilà. Ok. On ne dit pas au commencement était la parole. Non, ne va pas là-bas. On parle d'une autre personne et c'est la sagesse, ma soeur. Attends. Parce que dans le psaume, dans le proverbe qu'on a lu au chapitre 8, là, il est question de la sagesse, n'est-ce pas? D'accord? Parce que c'est la sagesse qui criait dans la rue. Quand vous bougez, ça c'est désagréable. On peut continuer. Mais frère, ça ne rappelle pas Colossiens qu'on dit que tout a été fait par lui. On arrive justement. C'est là où le problème se trouve. Si vous avez la visite des témoins de Jéhovah, lorsqu'ils ont les livres lui second dans leur poche, c'est justement pour montrer ces versets, c'est pour dire que voilà Jésus qui a été créé. Il était à côté de Dieu quand Dieu créait. Voilà le verset qu'ils utilisent. Donc maintenant, vous voyez effectivement que Dieu, la Bible déclare, c'est Psaume 104, le verset 24 à 25, que Dieu a créé le monde par sa sagesse. D'accord? Il les a toutes créées par la sagesse. D'accord? Ok. Maintenant, si Dieu a créé la sagesse, ça veut dire qu'il y a un temps où il n'avait pas la sagesse. C'est ça. Alléluia. C'est ça. Vous voyez que ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Ça n'a pas de sens, vraiment. Donc, parce que Dieu est éternellement ça, il a toujours été ça. Il n'y a pas un moment où Dieu apprend. Dieu n'apprend pas quelque chose. Vraiment. Donc, c'est un non-sens de dire que Dieu a créé la sagesse, puis la sagesse était à côté, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que là, on a écrit, et vous voyez effectivement que dans la version originale, le mot hébreu qui là-bas, c'est canard, c'est posséder normalement. Donc, Dieu a toujours eu la sagesse, ça n'a pas de problème. Là, vous voyez que j'ai été établi. Normalement, littéralement, c'est oin. J'ai été oin. Donc, Dieu a posé la sagesse. Et la Bible de Kaka, il a posé la fondation, il a vu et il a vu la sagesse. Vous y êtes? Bon, maintenant. Dans le livre de Michée, allons dans le livre de Michée. Bon, parce que, en fait, la sagesse, si en réalité, c'est personnifié comme étant le fils des dieux, n'est-ce pas? Allons dans le livre de Michée. Allons dans le livre de Michée, chapitre 5, verset 1 à. Ah, les gens ne veulent pas que la Belgique dans la sainteté, on continue, ils font que poser des questions ici, là. Oh, ils persécutent les gens. On va rester de Belgique dans la sainteté. C'est votre vie aujourd'hui. Michée chapitre 5, lisons à partir du verset 1. La sœur Amie, tu peux lire? Je ne suis pas frère. Tu y es? Je ne trouve pas frère. Essaye, tu peux dire ta Bible, tu as quelle version de la Bible qui n'y a pas de Michée comme ça dedans? Si, je sais qu'il est là, mais parfois j'ai du mal à retrouver certains versets. Prends ton temps, calme-toi, d'accord? Patience, on va t'attendre. Oui, j'ai trouvé. Ben voilà, tu vois, un peu de patience, n'est-ce pas? C'est terminé. Allons-y à partir du verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petit parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour nous celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte à un lointain passé, au jour d'éternité. C'est pourquoi il les abandonnera. Non. C'est pourquoi il les abandonnera. Hein? Ça va. Jusqu'au jour de l'éternité. Allons-y. Je recommence. Oui, recommence. Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé. Au jour de l'éternité, c'est pour toi. Il y a une ponctuation. Au jour de l'éternité, remarque très attentivement la personne dont on est parlé. N'est-ce pas? D'accord, ma soeur? Oui. Au jour de l'éternité, il y a un point, n'est-ce pas? Chez moi, c'est une virgule. Ok, mais que ce soit une virgule. La question, c'est, la personne dont on a parlé, on dit que son âge, c'est quoi? Depuis le lointain passé. C'est-à-dire quoi? Passé à partir de quel moment? À partir de quel moment? Au jour de l'éternité. L'éternité à quelle longueur? Pardon? L'éternité a quelle longueur? L'éternité a quelle longueur? C'est ce que je dis. Ah, ça n'a pas de... Ça pas de... Donc, une durée déterminée. Donc, finalement, la personne qui va naître... Parce qu'on a des prophéties, et dans l'une de Matthieu chapitre 2, lorsque les rois vont partir, lorsque le roi Hérode va demander au scribe que est-ce que c'est ce temps que le Messie doit naître, ils vont citer justement ce passage, c'est-à-dire que « Et toi, Bethléem, de Juda, terre de Juda, n'est-ce pas? » Donc, ils savaient que le Messie devait naître en Bethléem, dans le chapitre 2 de Matthieu, n'est-ce pas? Mais on dit que la personne qui va venir dans la personne de Messie, on dit que l'origine, on parle de son origine. Jean-Baptiste avait dit de lui que il y a quelqu'un qui vient après moi, dont je ne suis pas digne de délire de ce sandal, car il était avant moi. Oui. Jésus est son petit frère sur le plan physique, mais Jésus était avant lui. Mais ici, on révèle maintenant que la durée de ces jours, c'est au jour de l'éternité. Vous y êtes? Amen. Ok. Chapitre 7 d'Hébreu. Ça, c'est la première question seulement. Hein. Nous sommes à la première question depuis là. Frédéric lui-même ne parle plus depuis. Peut-être il dort déjà. Il est en fatigué. Non, je suis là. Hein. Que Dieu vous bénisse en Belgique. Vivez dans la sainteté. Vivez dans la sainteté. Amen. Même si il y a n'importe quelle difficulté, vivez dans la sainteté. Vous y êtes? Maintenant, Hébreux chapitre 7, versets 1 à 3. La sœur Reine, tu peux lire? Oui. Attends, tout le monde y est déjà au moins? Oui. Non. La sœur Suzanne, tu y es? Amen. Verset 1 à 3. On y va, ma sœur. En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite le roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est son père, son mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Tu y es arrivé finalement avec Melchizedek. Tu y es arrivé, n'est-ce pas, ma soeur? Ça, c'est pas Jésus, ça, tout. Mais on a dit qu'il est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est forcément lui, n'est-ce pas? Voilà. Mais on a dit que il est sans mère, sans père, sans commencement de vie, sans commencement des jours, ni fin de vie. Si quelqu'un n'a pas de commencement des jours, ni fin de vie, il est qui? Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes vraiment intelligent. Amen. Matthieu chapitre 3. Comment encore? Vous savez, quand ils voient, les gens disent, ah non, dans la Bible, on a écrit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit ici que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Fils. Ce n'est pas ça le problème. La question qu'il faut poser, c'est Jésus est-il Dieu, oui ou non? Si la réponse est oui, tout ce que vous racontez là, c'est pour vous et pour vos familles. Il faut d'abord que la question, Jésus est-il Dieu, oui ou non? On a dit qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Si quelqu'un ne veut pas être déchiré, la partie là, il jette. Chapitre 3 de Matthieu. En tout cas, même si vous fermez la Bible, vous déchirez, vous plongez, vous mouillez, même vous mettez la peinture, non, c'est ça. Jésus est quand même Dieu de toute façon. Oh. Vous y êtes? Verset 3, 13 à 17 du chapitre 3. Il arrive quelque part. Je lis? Oui, allons-y. Alors, Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Voilà. Frédéric, quand tu lis le dernier verset, le verset 17, lis-le et puis pose ta question que tu poses souvent là. Et voici une voix qui entend, puis entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Que Jésus qui est le Fils de Dieu. Oui, mais dans ce cas, il pose la question. Il était dans le baptême là. On voit, et c'est l'explication, on voit que il y a l'Esprit qui descend sur lui. Parce que là, la Trinité dit que voilà Dieu le Père qui parle en haut, voilà le Fils en bas, et voilà le Saint-Esprit qui vient sur son Fils. Qu'est-ce que vous en dites? Pardon, je n'ai pas bien compris. Toujours. Vous m'avez suivi? Non. C'était un peu coupé. Je suis désolé. Donc, dans ce livre de Matthieu, chapitre 17, les gens disent, on entend la voix de Dieu le Père en haut. Il y a le Fils en bas, puis le Saint-Esprit dont Jean-Baptiste voit. Vous m'entendez? Oui. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Oui. Alors, qui parlait en haut? Il y a un vent qui soit. Comment? Il y a le vent qui sort dans un micro. C'est dans le micro de Frédéric. Frédéric, ferme ton micro d'abord. Frédéric, ferme ton micro. Ce vent va partir. Voilà. Frédéric, ferme ton micro. C'est bon. C'est parce que tous les micros sont ouverts. Là, maintenant, il y a les ondes évanescentes dans tous les micros. Bon, je t'en ai dit, donc vous m'écoutez très bien. Que dans ce Matthieu chapitre 17, on voit trois manifestations. La voix en haut, le Fils en bas, l'Esprit que Jean-Baptiste voit. On voit Père, Fils, Saint-Esprit, soi-disant, n'est-ce pas? La question, c'est qui est-ce que si Jésus est Dieu, qui est en train de parler en haut? Oui, effectivement, qu'avec la réponse de Jean chapitre 3, où il parlait à Nicodème, déjà l'une des choses est d'abord nettoyée. Il causait avec Nicodème, et c'est lui qui baptise le Saint-Esprit, et c'est lui qui dit qu'il va venir dans les personnes, il va habiter éternellement dans les cœurs, et là il dit encore qu'il est au ciel, n'est-ce pas? Allons dans le livre d'Exode. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse. Notez le livre d'Exode, chapitre 19 et chapitre 20. Vous allez prendre le temps pour bien lire, d'accord? Voilà. Commençons dans le chapitre 20. Vous allez prendre la même chose dans le chapitre 19. Chapitre 19, 20. Lisons le verset 18 à 20. Ou bien 18 à 22, c'est bon, 18 à 22. La sœur Christiane, tu peux lire. Ok. Tout le peuple entendait les tonnerres. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes et la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuit où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. » Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Stop. Je continue. Il y a un problème. Vous lisez la Bible, vous ne voyez pas le problème, c'est qu'il y a un problème. C'est que votre vrai problème, c'est que vous ne voyez pas le problème qu'il y a d'abord. C'est ça. Ces passages-là posent des problèmes. Vous permettez que je lise? Vous permettez que je lise, n'est-ce pas? Écoutez très attentivement. Tout le peuple entendait les sons, quoi, les tonnerres et le son de la trompette. Voyez les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, de la montagne fumante, à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Écoutez bien. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Maintenant, écoutez très attentivement. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Soulignez, Dieu est venu. Mmh. Vous y êtes? Mmh. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Verset 21, le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la montagne où était Dieu. Écoutez bien, soulignez, montagne où était Dieu. De la nuit, s'approcha de la nuit où était Dieu. C'est ça, non? Oui. Donc Dieu se trouvait où? Dans la nuit. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Parce qu'il est venu là-bas, n'est-ce pas? Oui. Dites oui, continue. On va continuer. On continue toujours. Verset 22. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis la montagne. Du ciel. Alors, okay. Il était où, Dieu? Dans la nuit. Il était dans la nuit. Il parlait depuis où? Depuis le ciel. Donc, depuis le ciel. Donc, il est venu sur la montagne, mais sa tête se trouvait dans les cieux, quoi. Le frère Frédéric, là, ouvre ton micro, tu parles. Ici, c'est bon pour participer. Donc, on te pose encore cette question-là ici. Donc, frère Frédéric, tu as vu effectivement que Dieu est venu sur la montagne, n'est-ce pas? Oui. Mais de là où il parlait, c'était où? Il parlait depuis les cieux. Bon, il était au ciel ou bien il était sur la montagne? La montagne qui se trouve quand on voit vers le ciel. Donc la montagne, là, Moïse a monté sur une montagne jusqu'à ce qu'il arrive au ciel, quoi. Hein, mon frère? Frère Frédéric, il dit, hein, oui. La montagne sur laquelle le peuple était là, il vous entendait le son de cette trompette-là qui faisait les déflagrations, jusqu'à ce que les tonnerres, les bombes fracassaient les montagnes-là. C'était sur la terre ou c'était dans les cieux? C'était sur la terre. Dieu, lui, il est venu sur cette montagne-là, oui ou non? Oui. Il parlait de cette montagne-là ou bien il parlait depuis les cieux? À partir de la montagne. Le verset 22 dit quoi? Le verset 22 dit quoi? Le verset 22 nous dit, l'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi au peuple d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Toi, tu dis que c'est depuis la montagne. Parce que dans le verset 19, il dit, Dieu demande à Moïse de le rassembler vers la montagne. Oui, mais on a dit qu'il est venu vers la montagne. Oui. Mais le problème, c'est qu'on dit qu'il vient vers la montagne, Dieu est venu vers la montagne, mais c'est depuis le ciel qu'il parle. Qu'est-ce que tu en dis? Je pose la question, Dieu était-il sur la montagne? Non, Dieu n'était pas sur la montagne. On remonte encore plus haut, n'est-ce pas? Verset 20. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu n'est pas venu. Il est venu. Donc, il est venu au monde. Dieu, il est omniprésent, il est omniscient. Non. Amen. C'est facile comme ça, ne nous contourne pas. Donc, sur la montagne, Dieu était là, n'est-ce pas? Et en même temps, il parlait depuis les cieux, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Donc, ce n'est pas étrange que Dieu soit sur la terre, en train de se baptiser, n'est-ce pas? Et il soit en train de parler en haut aussi, n'est-ce pas? Parce que ça s'est déjà produit, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas, mon cher? Amen. Chapitre 24. Alors, avançons au chapitre 24. Quel passage, frère? Chapitre 24 d'Exode. vous y êtes? Versets 9 à 12. Qui peut lire en étant dans la joie? Exode chapitre 24, versets 9 à 12. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Il vint de Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et des ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Bon, je pose la question. Dieu était sur la montagne, oui ou non? Oui. Ils ont même vu ses pieds, oui ou non? Là-bas. Oui, Dieu. On a dit ça. Oui. Ok. Bon, voilà. Fermez dans les Bibles. Il vit Dieu. Ok. Maintenant, écoutez-moi très attentivement, mais regardez dans les yeux. Que père vous dérange? Que Jésus soit son père ou son fils, Jésus est-il son propre père ou son propre fils? Il peut s'accoucher mille fois en étant toujours lui-même. Vraiment. Parce qu'il est tout puissant. Amen. Il peut rester sur la terre, il pleure, il meurt, il se ressuscite lui-même. Parce qu'il est tout puissant. Il est Dieu. Il peut têter le sein de sa maman en lui disant tout en disant qu'il ne savait pas qu'il devait occuper les choses de mon père à 12 ans. Il peut le faire. Oui. Il peut tout au moins dormir en étant fatigué. Tout en étant Dieu, en se levant pour dire silence à la mer. Parce que la Bible déclare que celui qui commande à la mer s'arrête. La mer, il commande au mugissement des flots de s'arrêter. C'est l'Éternel des armées et son nom. Alléluia. Donc en conclusion, si ça vous choque, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Deuxième question. Bon, berger dans la sainteté. Amen. En fait, j'avais une question dans... Attends d'abord, quand les nouveaux venus, tu as beaucoup mangé la parole. Les Frédéric, il faut les laisser s'exprimer. S'ils ont des questions, ils exposent aussi. Frédéric, ça va? Oui, ça va bien. Voilà. Mais non, il te pose la question. Tu as dit tout à l'heure que dans votre cours d'enseignement d'une heure de la religion, on t'a troublé en disant que Jésus était Dieu. Mais 1 Corinthiens 15, verset 27 à 28 te dérangeait. Maintenant, ça ne te dérange plus? Non, ça me dérange. Donc, finalement, juste qu'il ne peut soumettre, rien au Père alors. Pardon? Donc, Jésus, celui à qui on a soumis tout chaud, ne doit plus soumettre rien. Jésus, à qui on a soumis. Il ne doit plus soumettre rien. Ok. Donc, Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Oui. Même si tu l'acceptes aujourd'hui, tu n'acceptes pas demain, il est toujours Dieu. Des questions, mon cher. Pose encore ce qu'il y a des questions qu'on pose. Oui. Bon, quand on parle de la Trinité, oui. Quand on parle de la Trinité, on parle de trois personnes. On parle de trois personnes en une. Bon, je me pose la question, si on ne vaut pas la question de trois dieux du côté polythéiste, parce que on parle de la Trinité de trois personnes en une, et on parle du monothéisme à ce point-là, alors que Dieu a dit qu'il est le seul Dieu. Bon, c'est comme tu vas rencontrer les polythéistes, donc là tu vas les poser ces questions, puisque j'ai dit des scopes, quand c'est celui qui dit que Dieu est un seul, n'est-ce pas? C'est à eux qu'il faut poser la question, n'est-ce pas mon cher Frédéric? Pardon? Il dit, c'est à eux qu'il faut poser la question. Je ne suis pas polythéiste, unioniste. Dieu a dit qu'il est un. Il est un seulement. Il est seul. Il n'y en a point d'autre à côté de lui. Donc, le jour où tu as rencontré les polythéistes dont tu as entendu parler, pose-leur la question. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit dans la Bible. Ça se trouve nulle part. Nulle part. Il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste différemment. Pas seulement de trois façons, d'accord? Oui. Voilà. Des questions, mon cher? Non, ça va. Moi, je peux te poser une question. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a cloué Dieu sur la croix, il est mort. Non, non, Dieu n'est pas mort. Donc, finalement, Jésus n'est pas mort, il est mort. Jésus n'est pas mort, il est ressuscité. La Bible déclare que Dieu est mort à la croix pour tes péchés. Donc, c'est Dieu qui est mort à la croix. Pardon? Donc, Dieu peut mourir, mon cher. Non, Dieu ne peut pas mourir. Donc, Jésus-Christ n'était pas mort, donc. Non, c'est vrai que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Mais il est Dieu. Donc, finalement, il est mort ou il n'est pas mort? Il n'est pas mort. Donc, Jésus n'est pas mort? Il n'est pas mort. Il est ressuscité le troisième jour. Mais comment quelqu'un peut me ressusciter sans être mort? Voilà. Parce qu'il a vaincu la mort. Non, mais attends, il est d'abord mort avant d'aller vaincre mort. Ou bien il a fui? Bien mort. Même. Pardon. Est-ce qu'il a fui la mort ou il est vraiment mort avant de vaincre la mort là? Il est mort, oui ou non? Oui, il est mort. Donc Dieu est mort? Non. C'est la chair. C'est Jésus. Ouais. Elle l'a oublié, mais elle est mort de lui là-bas. Pose des questions, Frédéric. Pose des questions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Y a-t-il encore des questions? Donc, si vous voulez aller dans les groupes, vous priez, dites que Jésus n'est pas son propre père. Jésus n'est pas son propre fils. Comment quelqu'un peut être père et fils? Comment quelqu'un peut être son propre père? Ça, c'est votre problème. Jésus est quand même Dieu. C'est chez la sœur Claudon que ça bascule là. Quoi que... Oui, pardonnez-moi. Je soupire. Donc, quand tu veux jouer, quand tu veux faire quelque chose, tu coupes ton micro pour que. Parce que si ton micro se balade là sur ton habit, ça va faire des grusillages comme ça. Et c'est entendu. Entendu. Oui, merci. Oui, la soeur Christian. Oui, ma soeur. Oui, dans Genèse, quand le Seigneur dit allons et faisons l'homme à notre image. Peut-être qu'il y a des enseignements pour cela. Quel est le titre? Parce que tu es trop fort. Le titre, justement, c'est Créons l'homme à notre image. Merci. Hein? C'est Créons l'homme à notre image. C'est le titre là-bas. D'accord, ma chère sœur. Donc, prends le temps de venir. Bon, okay, d'abord, moi, je te pose la question. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, qui parle? Selon ma méditation, je pensais bien que ça complétait ce qu'on partageait. Donc, ça complétait ma compréhension. Pardon, c'est juste comme le Seigneur a dit qu'il a prié, il est image. Oui, Frédéric, ferme ton micro. Quand vous voulez bouger, parce que quand vous bougez vos micros, là, ça fait beaucoup de bruit. Ferme ton micro avant de bouger. Quand tu vas vouloir parler, tu ouvres ton micro. Oui, ma soeur, vas-y. Comme dans Colossiens, le Seigneur dit, la parole dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le reflet de sa gloire. Je crois que c'est le reflet. Donc, je pensais quand il dit, créons l'homme à notre image, c'est donc encore la preuve que c'est Jésus qui est l'image de Dieu. Donc, il est Dieu. Non, c'est là n'est pas le problème. Le problème, c'est au niveau des crayons. Le problème, c'est pas au niveau de l'image, là, dans ces versions de la Colossiens. Dans le livre de Genèse, quand on dit, créons l'homme à notre image. On dit, puis Dieu dit, créons l'homme. Quand il dit créons, c'est une personne qui a parlé. Donc, au moins, il y a au moins une personne avec lui. Non. La question, c'est, Dieu s'adresse à qui? C'est la question qui est là-bas pour répondre à cette question. Vous y avez médité? Donc, prenez le temps sur Bamba et pour écouter ce que c'est. Ça t'a dépassé. Tu as resté tranquille. Parce qu'il y a l'autre partie, le Seigneur, tu vois Moïse, il dit à Moïse que Moïse, moi l'éternel. Ouais. L'éternel te répond. Il parle comme s'il parlait d'une autre personne alors que c'est lui. Voilà, donc c'est comme ça qu'il embrouille les gens, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Et c'est lui qui garde Moïse dans son creux. Il dit qu'il veut le cacher dans un creux du rocher, à côté de lui. Et il va passer devant lui. Il garde Moïse dans un creux du rocher, à côté de lui, mais il passe devant lui en récitant le nom de l'éternel. N'est-ce pas? Quand vous allez nous voir la prochaine fois, vous saluez-le. Vous dites que Seigneur, merci de nous aimer. Il nous a dit, pas dit, il est fort. Il est très fort. Il est tout puissant. C'est ça qui fait de lui tout puissant. Et si quelqu'un dit que Dieu ne peut pas être son propre fils, dites-lui que son Dieu, lui, n'est pas tout puissant. Parce que quelqu'un peut, si celui qui est tout puissant, c'est celui qui peut devenir le portable tout en étant toujours tout puissant. Il peut devenir le pompier, il peut devenir la poupée en étant tout puissant. Et ainsi, il lui a plu de prendre chair. Ouvrez le dernier passage dans le livre de 1 Timothée. Voilà. Intimité. C'est la sœur, je crois qu'il va prendre distinctement. Une personne va lire et puis l'autre personne va lire. La sœur Amitié a trouvé. Oui. Intimité, le chapitre 3. Ouvre le chapitre 3. Oui. Lise le verset 16, parce que c'est le dernier verset du chapitre 3. Lise le verset 16 à haute voix. Oui. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Non. Avec... Il dit le chapitre 3 de 1 Timothée, pas le chapitre 2. Ah oui, pardon. Mmh. Il faut avouer, que le mystère de la piété est grand. Oui. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, voilà. A été cru dans le monde. Ah. Ouais, c'est bon, c'est celui. Souligne celui dans ta Bible. La sœur Christiane, lis-nous là, le même verset. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dis donc à ta sœur que c'est la personne que tu vois, c'est lui dans ta Bible. Dans ta Bible, on appelle Dieu. Amen. Et c'est cette personne qu'on appelle sur, dans Apocalypse que celui qui était assis sur le trône, celui qui était assis sur le trône, celui qui était assis sur le trône. Et Dieu. Et on dit que, c'est encore... on dit que cette personne a été manifestée dans la chair. Justifié en esprit, vu des anges, cru dans le monde. Celui qu'on prêche dans le monde comme ça, celui qu'on prêche dans le monde, c'est Dieu. Et on appelle Amen. Ça mystère de la piété. Donc, vous voulez vivre une vie de piété, il y a un grand mystère derrière. Le mystère de la piété, c'est que, mes chers amis, Dieu est venu habiter parmi les hommes dans une chair humaine. Amen. Le mystère de la piété, mes chers amis, c'est que le Dieu qui a fait les cieux et la terre s'est tabernaclé dans une chair humaine. C'est que c'est lui qu'on prêche, c'est lui qu'on prêche dans le monde. C'est lui qui a été ressuscité et celui qui a été élevé dans la gloire, celui qui a été cru dans le monde, celui qu'on prêche dans le monde, c'est Dieu manifesté en chair. Emmanuel. Amen. Alléluia. Alléluia. Des questions? Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, très génial. Il me semble bien avec vous. J'ai une question, mais je pense que le frère avait aussi une question. Vas-y, pose ta question. Laisse le frère. Femme. Non, c'est cas complexe. On va venir comme on avait dit. Lui, là, c'est donc, vous le laissez. Je pose ma question. Mon frère, je voulais savoir si moi, en tant que femme, je peux édifier mon mari qui ne connaît rien à la parole. Bon, je dois rester silencieuse. C'est bon, c'est bon, la question est bien posée, je vais te répondre directement. Je veux que vous me dites ce que veut dire définition biblique du mot édifier et pour qui l'édification est faite. Vous m'avez suivi? Non. La question que j'ai posée, c'est quoi la définition biblique du mot édifier? C'est pour qui? C'est à qui l'édification est adressée? On édifie qui? Qui veut dire édification? L'église. On édifie l'église. On n'édifie pas les païens, n'est-ce pas? Non. À ce que l'on t'a suivi? Oui, je suis là. Voilà. Donc, Dieu a déjà donné l'ordre pour ce cas-ci, pour ton cas de ton mari. Laisse-le tranquille que je vais l'évangéliser. Il n'y a pas de verset pour cela. Ce que Dieu dit dans la Bible, c'est dans 1 Pierre chapitre 3. Que femme, que chacun soit soumise à votre mari, afin que si quelques-uns ne croient pas la parole, ils soient gagnés sans parole. On a dit sans parole. Amen. La Bible a dit, Amen. La Bible a dit, tais-toi, vis la parole. Dieu va s'occuper de lui. C'est ce que la Bible déclare. Point final. D'accord. Donc, n'essayez pas de me tourner à me dire que Frère Junior, tu peux inverser pour lui dire, je vais lui expliquer. Tu vas lui expliquer la Bible. Même s'il fait n'importe comment, si ton cœur, de son cœur, le Saint-Esprit n'a pas jailli cette flamme de la nouvelle naissance, c'est vrai. Ça ne marchera jamais. C'est vrai. Amen. Voilà, donc, amen. Faisons ce que Dieu a dit qu'on fasse et laissons-le faire ce qu'il a dit qu'il fera. Si on fait ce qu'il a dit qu'on fasse. Amen. Oui, oui, oui. Autre question. Souvenez-vous, d'accord, l'édification, c'est pour ceux qui sont à l'intérieur, parce qu'ils se construisent pour se perfectionner. Quand on parle à l'intérieur, il leur faut la conversion. Quand on est converti, on peut maintenant s'édifier. Voilà. Ok. Question. D'accord, je pose ma question maintenant. En fait, ma question se situe dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 13. Oui. Il est entré selon sa coutume, où ça? Merci, ça. 4, 6, 13. Que Dieu vous bénisse vraiment pour cette soirée. Une bonne soirée, oh. N'est-ce pas? N'est-ce pas, le frère Frédéric? En fait, la question, c'était sur... la tentation de Jésus-Christ, quand la tentation est finie, il y a un mot qui a été dit là-bas. Non, Luc chapitre 4, verset 13. Là-bas, il est dit qu'après avoir de tenter toutes ces manières-là, le diable s'éloignait de lui pour attendre une époque favorable. Quel est le problème? Voilà, le problème, c'est que où le diable a tenté, où il a apparu encore, la question ici est écrite, où il a apparu encore pour pouvoir tenter le Seigneur Jésus-Christ ou bien pour se manifester encore en fait. Jean chapitre 14. Voilà, quoi? Je ne sais pas, Jean chapitre 14. Verset 30. Ouais. Allons-y. Verset 1. Verset 30, mon frère. Jean chapitre 14, verset 30. Ouais, c'est ça. Quand on vient nous chercher. Alors, vous ne lisez pas, vous ne voulez pas lire. Comment? Lisez donc. Je ne parle plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Tu vois? Donc, tu as posé la question que où est-ce qu'il est encore venu? Où est-ce qu'il a encore eu la raison? Il est venu là-bas, effectivement. Et Jésus dit dans le livre de Matthieu, il a dit que c'est l'heure de la puissance de quoi? Des ténèbres, n'est-ce pas? Question. D'accord. Ma deuxième question, c'est. Ça se situe dans Marc chapitre 8. Oui. Que veut dire Bethsaïda? Et pourquoi le Seigneur a fait sortir. Non, c'est très simple. Tu vas faire la recherche parce que c'est aussi facile. Que veut dire Bethsaïda? Que veut dire Beth et que veut dire Saïda? Pourquoi, tu vois, la définition de ville va te montrer pourquoi il est sorti. Parce que là, tu parles de la ville qu'il a flotté plusieurs fois avant de le faire sortir hors de la ville. Question? Je vous vois venir. Je t'ai envoyé une question aujourd'hui, je pense. Pour le Daniel. Je crois Daniel. Qui ça? Qui? Ma soeur? Mais je disais que je t'ai envoyé une question aujourd'hui dans Daniel par rapport à l'œuvre de purification. Puisqu'on en est dans la place publique, c'est mieux que tu tapes ça aujourd'hui, tu balances ça sur la sauce, non? Allons-y. Qu'est-ce que tu disais? Comme il t'a dit, il était toute la journée dehors. Allons-y. Oui, c'est Daniel. Voilà. Daniel 8, verset 13, 14. Mm-hmm. Lise, ça dit. Je peux lire? Oui. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soirs et matins, oui. Puis le sanctuaire sera purifié. Oui. Donc je demandais si effectivement ce qu'on dit et ce qu'il est dit ici concerne l'œuvre que le Seigneur a faite en hébreu, l'œuvre de purification du sanctuaire. Est-ce que c'est ça qu'on prophétisait? Quel sanctuaire? Le sanctuaire dans le ciel, non, frère. Est-ce qu'on a, on a parce que là, on a déparlé dans le ciel. Le temple de Dieu sera bâti avant que ça ne soit venu, avant que le Christ ne vienne pour régner dans le temple. L'Antichrist va d'abord prendre place. Il faut que ça soit nettoyé, n'est-ce pas? Vous avez écouté l'enseignement sur l'enlèvement et la grande tribulation, c'est 9 heures d'enseignement. C'est ça. Mm-hmm. Ma soeur Christian, tu n'as pas assez de temps. Time is money. C'est comment, frère? C'est quand même 9 heures de temps. Vous savez, ces choses des écritures, il faut qu'on entre en profondeur, doucement, doucement. C'est pour ça qu'on est obligé d'enseigner pour longtemps. On ne peut pas justement dire Jésus-Christ est Dieu. Tel verset dit ça, tel verset. Il faut aller doucement. Doucement pour construire ça parce que ça, longtemps dans la tête des gens, beaucoup de choses ont été construites. Il faut déconstruire doucement, doucement, doucement, doucement. D'accord. Donc, enlèvement et grande tribulation. Ce serait bien. 4 dans ce mois, plus 5 heures encore. C'est bien pour les périodes des jeûnes. Quand tu t'enfermes, tu prends le truc, tu écoutes pendant 5 heures de temps, tu vas confirmer que non, il y a le temps qui doit passer. Oui, mon frère. J'ai une autre question encore. Je suis à votre service. Comment prier par l'esprit? Il y a l'enseignement. L'enseignement sera posté bientôt sur Bamba Iba. Le frère Iba a des problèmes, d'accord, des soucis avec ses communications. Oh. C'est vraiment. D'accord. Les enseignements sont là. Autre question? D'accord. Autre question? Oui, moi j'ai une question. D'accord, vas-y, frère. Par rapport à l'huile d'onction. Quel est le mystère qui se cache derrière l'huile d'onction, l'utilisation de l'huile d'onction? Je sais que ça représentait le Saint-Esprit, mais là maintenant, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Oui. Ok, frère Frédéric. Oui. Depuis que tu es né, tu as vu l'huile d'onction? Je n'ai pas bien compris. Depuis que tu es né, tu as vu l'huile d'onction? Non. Tu parles de quelle huile d'onction donc? Je ne sais pas. Comment, si je ne sais pas, qui va savoir? Puisque c'est toi qui parles de cela. Parce que tu dis quelle est la signification de l'huile d'onction pour nous aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Je pose la question si dans la Nouvelle Alliance tu as vu parler de l'huile d'onction quelque part. Depuis que tu fréquentes les églises, as-tu déjà vu l'huile d'onction quelque part? Oui. Où ça? Depuis que je présente des nouvelles des églises. Oui. Tu as vu l'huile d'onction quelque part? Oui, on l'appelle comme ça. On l'appelle comme ça, entre guillemets. Alors maintenant, tu as vu l'huile d'onction, mettre les guillemets alors. Tu mets les guillemets sur ça. Si tu mets les guillemets, il ne peut pas te donner une signification parce que les choses qui sont entre guillemets sont parabolables. Donc ça veut dire que tu ne peux pas donner les vrais. Tu parles de quoi? Non. Je parle par exemple. Comme l'apôtre Paul. Je crois que l'apôtre Paul. Oui. L'apôtre Paul, quand il imposait les mains aux malades. Oui. Je crois même que c'était. Je crois même qu'il est. Il avec l'huile d'onction. L'apôtre Paul marchait avec son huile d'onction, quoi. J'ai bien suivi la question. Donc l'apôtre Paul marchait avec son huile d'onction dans sa tunique, quoi. Le Saint-Esprit, Bon, il n'y a pas d'endroit où l'apôtre pourrait utiliser l'huile d'onction. Il n'y en a pas l'huile d'onction dans la Nouvelle Alliance, d'accord? Oui. Écoute l'enseignement sur Bamba Eba, les deux enseignements que nous avons fait sur Dynamis FM à Bafoussam. Comprends la sacrificature pour saisir le plan de Dieu dans l'église, dans l'église, d'accord? Oui. Comprends la sacrificature. Et, ou bien tu prends l'Exode au chapitre 28 jusqu'au chapitre 30 pour lire la constitution de l'huile d'onction là-bas. Pour voir que l'huile d'onction, personne ne peut avoir l'huile d'onction aujourd'hui. Parce que Dieu avait même interdit qu'on fasse à cette proportion-là. D'accord? Autre question? Est-ce que ce n'est pas l'huile qu'on utilise dans Jacques pour les malades que aujourd'hui l'église confond à l'huile d'onction? On n'a jamais dit parler de l'huile d'onction. On a dit l'huile. Ça veut dire même l'huile, ton huile pour ou Andrew. Oui. Oui, peut-être c'est ça que les gens confondent aussi. Non, je le pousse à bout pour qu'il parle. S'il continue à parler, l'explication viendra. Tant qu'il n'y a pas l'huile d'onction, on ne peut pas donner la signification. Ouais. C'est ça notre frère Frédéric. Je ne l'ai rien suivi. Pourquoi tu ne suis jamais rien? tu suis seulement quand il appelle ton nom. Donc, le jour où tu vas voir un pasteur, demande-lui s'il a l'huile d'onction et comment il fait pour avoir son huile d'onction. D'accord? Ok. Et quel passage de l'écriture lui donne d'avoir l'huile d'onction? Autre question? La sœur a déjà trouvé une stratégie pour bailler. Quand la fatigue vient, elle ferme un peu la bouche. Non, je ne suis pas en train de bailler, j'ai une question. Ok. Ben, ouf, enfin. Question. J'ai une question dans Jean 20, verset 22. Toujours. Il a soufflé sur eux qui le sont le Saint-Esprit. Oui. C'est quoi l'esprit? C'est quoi la différence entre cet esprit-là et celui de... Un enseignement est venu bien développer là-dessus parce qu'on en a parlé. J'ai cherché, c'est quoi alors le nom? Non, c'est pas encore publié, ça arrive parce que... Ok. Oui. J'ai une autre question. Attendons, revenons sur ce Jean 20, 22. Je pose la question. Le Seigneur a soufflé sur eux. Vous recevez le Saint-Esprit. Donc, tu penses qu'ils avaient, à cet instant, ils avaient reçu le Saint-Esprit? C'est ma question, en fait. C'est la question. Oui, mais parce que si on dit dans Actes, à la Pentecôte, c'est là où ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, là, ils étaient convertis. Mm-hmm. Il l'a soufflé là. C'est quel esprit? Bon, c'est l'Esprit Saint, mais est-ce qu'ils ont reçu? Est-ce qu'ils n'ont pas reçu? Dans l'Esprit Saint, c'est un souffle, alors. C'est une vapeur. Mais non, c'est effectivement ça qui est bizarre. Il soufflait pour eux, donc pourquoi? Après réflexion, je me dis peut-être c'était pour qu'il. Que l'esprit soit ouvert à ce que je sais pas, à la parole. Dans Luc 24, ils avaient ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les écritures. Ouais. Aussi, ouais. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Oui. Dès que vous êtes tout le monde, là, il vous donne le verset. Verset combien? C'est pour ça qu'il dit, dès que tout le monde y est, je vais donner. Ah oui. Vous y êtes tout le monde déjà? Mm-hmm. La sœur Amine, ouais. Lit le verset 31 du chapitre 13 des Jean. Parce que Judas fut sorti. À haute voix. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'Homme a été glorifié en lui. Si Dieu était... Non, verset 31 seulement. La sœur Christiane relit le même verset. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'Homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Voilà, maintenant... Amen. Qu'est-ce qu'il en a parlé par le Fils de l'homme a été glorifié? Il parle de quoi? De sa mort, je crois. Ok. Est-ce qu'à cet instant-là, il est mort? Non. Mais il dit là que le Fils de l'homme a été glorifié. Je suis en partie de ton Jean 20, 22. Parce que les gens disent que, okay, quand il a dit, recevez le Saint-Esprit, voilà, Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit, donc ils ont reçu. Là, il a dit, le Fils de l'homme a été glorifié, donc il a été mort. Mmh. Non. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Verset, vous y êtes? Verset 36 à 37. Jean Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Continue. Amen. Continue. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » et il dit cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, en clair, à quelles conditions l'Esprit doit être là? Quand il va être glorifié. C'est-à-dire qu'à cet instant, quand Jésus est physiquement là-bas, le Saint-Esprit n'est pas disponible, n'est-ce pas, pour eux. Donc, il faut qu'il meure pour que le Saint-Esprit soit disponible pour eux, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Alors, c'est avec que l'Esprit que les 70 se guérissaient. C'est avec aller le faire. C'est avec ça qu'il partait. Aller guérir. C'est ouais. Ça. Alors, Jean chapitre 16 maintenant. Le verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Qu'est-ce que ça dit, ma sœur Christiane? Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je pense que ça doit être clair maintenant. C'est clair maintenant, n'est-ce pas? Donc, pour que le consolateur vienne vers les gens, il faut qu'il quitte la scène. Amen. C'est bien compris, n'est-ce pas? Okay. Voilà. Parce qu'il a dit que c'est quand il va partir qu'il va l'envoyer. Ouais. Parce qu'il faut qu'il quitte la scène. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Le consolateur viendra. Donc, quand vous n'allez pas me voir, le consolateur sera là. Tant qu'il le voit, le consolateur ne peut pas venir vers eux. Donc, il faut qu'il quitte pour que le consolateur prenne la place, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Question? Ça fait 2h. Belgique, dans la synthèse, ça fait 2h40 que nous travaillons depuis aujourd'hui, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Une encore. Que signifie voir? Ça se trouve dans 1 Corinthiens 13, de 9 à 12. Mais la question c'est que signifie voir au moyen d'un miroir, donc, moyen d'une manière obscure. Oui. Ça veut dire qu'avec les imperfections de notre chair, de notre pensée, de notre limitation humaine, c'est ce que mon grand frère venait de parler. Donc, c'est ce qui veut dire aussi connaissance en partie aussi. Non, c'est plus profond que cela. Dans la dimension, dans la dimension que nous sommes, vous ne pourrez pas jamais connaître quoi que ce soit de tout. Parce que là où tu es là, si tu maîtrises l'informatique, tout, tu ne pourras pas maîtriser la science, tout. Tu maîtrises la science, tout, tu ne pourras jamais maîtriser la littérature, tout. Tu ne peux pas maîtriser toutes les langues. Donc, quel qu'en soit le cas, tu auras seulement une portion des parts et d'autres. Tu vois cela, n'est-ce pas? Mais là, et il se promet donc là, dans le moment où on se retrouve dans la gloire, tu n'as pas besoin de poser des questions, tu sais toutes choses. Amen. Tu vois ça, mon cher? Maintenant, les témoins de Jéhovah et les acolytes prennent ces versets-là de chapitre 13, de 1 Corinthiens 13. Chapitre 13, verset 8 à 13, pour expliquer le fait que les langues sont passées, le temps des miracles est passé, le Saint-Esprit est passé, les prophéties passées, on n'a plus besoin, parce qu'à un moment donné, ça devait cesser, parce que la connaissance totale, la parole est venue. Bien que la connaissance totale, la parole est là, on connaît toute la parole, même la parole là. Non. Voilà. Non. Donc, c'est au moyen du miroir qu'on commence à savoir comment je suis, Jésus est Dieu. Voici le miroir justement. Mais celui qui aura plongé les regards dans la parole, dans la loi parfaite, la loi de la liberté, ce miroir-ci. Donc ce miroir-ci est donné pour qu'en le contemplant à l'intérieur, on ne devienne pas comme par le Seigneur l'Esprit. Comme 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17 le disent. D'accord? Question. Luc chapitre 23, verset 29. Les cartouches là vont vite maintenant. Oui. 23. Bon, la sœur Reine travaille demain, il faut qu'on arrête comme Luc ça. Luc chapitre 23, verset 29. Oui. D'accord. Oui. Il ne faut pas que vous oubliez tout ce qu'on a parlé de la divinité de notre Seigneur Jésus. Oui. Bon, on va prendre trois questions et puis on va laisser les femmes mariées aller s'occuper de leur mari, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'ils disent que. Il dort déjà, il faut qu'il se lève, c'est tout, il tend la main à côté de lui, il ne te voit pas. C'est vrai en plus. Effectivement. Il va dire, tu m'énerves déjà avec tes choses là, tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves. Exactement. Voilà. Allons-y, prenons trois questions et puis on arrête là, n'est-ce pas? Vais lire un verset 27, Luc chapitre 23, verset 27. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. 28. Jésus se tourna vers elle et dit, Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Verset 9. Car voici, des jours viendront où l'on dira, Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Oui. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. La colère 2, là, 29 et 30. Oui. La question se situe sur, c'est à quel moment on dira heureux les stériles? Oui. C'est à quel moment on dira cela? Jésus a dit les jours viendront où on dira ça. C'est le jour. C'est ce qu'il a dit là, non? Les jours viendront. Mais c'est à quel événement? Ça veut dire que ce n'est pas un événement, c'est plusieurs prophéties. Parce que je te dis dans le livre d'Apocalypse, on dit qu'il y aura des gens qui vont pleurer, ils vont souhaiter que la montagne les cache. N'est-ce pas? Et il y a des femmes qui vont pleurer justement à Jérusalem. Vous me suivez? Où le Seigneur leur avait dit que priez que votre fille ne soit pas un jour de sabbat ou bien en hiver. Il dit malheur aux femmes qui sont enceintes ou bien ceux qui allaiteront en ces moments-là parce que la détresse sera grande ainsi de suite. Donc tu vois effectivement qu'il parle de plusieurs prophéties qui s'étendent dans plusieurs événements différents. Oui. Et il y avait un enseignement que j'ai entendu sur ça. Voilà. Donc tu envoies le lien. Toujours. Je pense que c'est dans les... Oui, s'il te plaît. Enlèvement, je pense. Moi-même, tu me suis beaucoup interrogée là-dessus. Non, parce que je me demandais, mais à quel moment ça. C'est 5 heures de temps arrive. Fois 2, presque. Donc, avant d'y aller, vous remesurez bien. C'est quoi le titre, s'il vous plaît? Enlèvement et grande tribulation. Ça me concerne aussi pas un moment où Jérusalem avait été assiégée. Tout ça est contenu dans cet enseignement de 5 et 4 heures. Oui, c'est l'enlèvement, il a parlé de ça. Ne contournez pas, il faut seulement écouter les 5 et 4 heures par la suite. Vous allez comprendre tout cela. Merci, frère. Et d'autres, il y en a d'autres parce que c'est développé avec Zacharie, Daniel, Ézéchiel, et c'est l'Apocalypse là-dedans. Merci. Question. Moi, oui, j'ai une petite question, enfin, une petite. Je voulais savoir pourquoi dans Matthieu 27, verset 44, pourquoi ici dit-on que les deux brigands l'insultent, alors que dans les autres évangiles, notamment dans Marc et Luc, je pense, ils disent qu'il a sauvé un des brigands. Non. Tu as commencé bien la chose, mais tu as fini par. Il a fini par sauver un des brigands. Maintenant, alors c'est dans ouvrir Actes des Apôtres, c'est merveilleux, c'est bonne, une très bonne question. Et tu dis une petite question. Si donc juste une petite réponse, ça n'ira pas là. C'est une très grande question. Actes chapitre 3. Actes des Apôtres chapitre 3. Vous y êtes? À partir du verset 1. Julie? Oui. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le prenant par la main droite, il le fit lever. Stop là-bas. Non, c'est bon. Okay. Maintenant, chapitre 14 des Actes des Apôtres. Je vais vous montrer, Tu te souviens que tu as posé la question dans Matthieu, chapitre 27, qui t'amène dans Actes des Apôtres. Je vais vous montrer quelque chose. Ok. Chapitre 14. Quel verset? Verset 8 et suivant. Ok. Alors. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait par l'épaule. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena les taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrît un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous sommes des hommes de la même nature que vous. » Stoppons là-bas, ma sœur, on veut parler. Mm-hmm. Lorsque l'apôtre Paul et Barnabas déchirent les habits, qui parle ? C'est le Saint-Esprit? Non, regarde bien le verset. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? » La question c'est « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? » Qui parle? C'est Paul, Barnabas. Paul et Barnabas. Donc les deux parlent au même moment. C'est le Saint-Esprit. C'est les deux qui parlent au même moment. Oui. Bah oui, parce qu'ils déchiraient leurs habits. Au moins, on voit les habits qu'ils peuvent se déchirer. Tu peux déchirer ma part, tu déchires ta part. Mais on dit ici qu'ils ont que qui a parlé. Ah, c'est clair. Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous sommes des hommes de la même nature. Bah, c'est eux, c'est Paul et Barnabas. Ils sont en train de dire la même chose comme ça. En même temps, oui. Chapitre 4, verset 19. Vous savez, un des deux qui est en train de dire, mais il parle à leur nom à eux deux. Parle au pluriel. Mmh. Il y a des gens qui sont les 8 secondes de la Bible, je vous le dis. Chapitre 4, c'est ça? Vous êtes... Oui, chapitre 4, verset 19. C'est Christian, lis-nous ça. Jean, chapitre 4, 19. Hein. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 19. C'est dans Actes des Apôtres, nous. Ah, ok. Actes des Apôtres. Oui, okay. C'est... Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Qui a prononcé ces mots? Pierre et Jean. Ils ont dit ça au même moment. Ben moi, je pense que c'est le Saint-Esprit. Hein. Non? Pas l'inspiration du Saint-Esprit. Mais frère, même si c'est le Saint-Esprit passe par les hommes pour parler. Là, qu'est-ce que c'est là qui... C'est C'est pour ça qu'elle pose la question, qui prononce ces mots-là? Jugez en vous-même s'il est convenable de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Qui a dit? Ça peut être un des deux, selon moi. Pas le nom du Dieu. Un de ces jours, je vais vous montrer les variations non variables de l'écriture. Ça concerne ce que la sœur a posé par rapport à Matthieu chapitre 27, là. D'accord? C'est ça, donc, c'est les questions comme ça. Donc, vous voyez effectivement que, on va dire que les brigands l'insultaient. Quand le Saint-Esprit fait entendre celui-ci, il entend les brigands qui sont en train de l'insulter. Mais il ne parle pas de leur salut, du salut, du fait que l'autre a fait comme ça, parce qu'il a entendu le brigand. Mais lorsque, à celui à qui on a révélé distinctement qui a parlé, la chose, la voix qu'on a entendue, on entend ce que celui-ci a dit seul, et ce que celui-ci a dit seul, et ce qui s'en est, ce qui est arrivé. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que vous comprenez. Oui. Voilà, la sœur Reine. J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Ça dépend de la révélation que celui qui écrit le livre a reçue. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il a entendu aussi cette révélation? Non, hein. Non, c'est pas fait. Par rapport à une situation, Jean a peut-être reçu une révélation telle et Marc a reçu une révélation autre, mais c'est la même situation. Non, je crois que c'est peut-être pas. Je vous pose une question. La sœur Christiane. Il y a sœur Christiane. Oui, frère. Décris. Tu as de me voir, n'est-ce pas? Oui, décris trois choses que tu vois. Vois les écouteurs, le mur rose et le rideau. La sœur Reine, décris-moi trois choses que tu vois. Oui. Je vois les rideaux, une fenêtre et je vois ta chemise bleue. Voilà. Vous voyez, je prends cet exemple-ci. Voilà Luc qui est représenté par Reine et voilà Matthieu qui est représenté par Christiane. Ils ont décrit le même événement. L'une a parlé du rideau sans parler de la fenêtre. Le rideau peut être sur la porte, n'est-ce pas? Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Elle a parlé des écouteurs sans dire que c'était sur ma tête. L'autre a donné mon habit bleu sans parler des écouteurs. Donc, c'est décrit que le frère Junior était positionné devant une fenêtre avec habit bleu, avec le rideau derrière lui. Et que celle-là dit le frère Junior était devant un rideau. Vous comprenez, n'est-ce pas? Avec un ventilateur à côté parce qu'il faisait chaud à Douala avec son écouteur sans dire volet bleu. Il parle la même chose, mais chacun a l'angle de la chose qu'il est en train de faire. Celle qui n'a pas parlé de la habit bleu, ça ne veut pas dire que je n'étais pas en habit bleu. C'est que elle n'a pas décrit cela. Vous comprenez, n'est-ce pas? Bon, donc maintenant, écoutez très attentivement dans ce que je voulais dire. Vous prenez le livre des Jean, par exemple, vous allez voir que c'est dans le livre des Jean seulement qu'on parle des lavages des pieds et c'est ce qui est arrivé avec Pierre jusqu'à ce qu'il rejetait, qu'on lui lave les pieds. Tous les autres évangélistes, ils n'ont pas vu cela, cet aspect qu'il y avait même lavage des pieds le jour de la scène. Pourquoi personne n'en fait mention? Au point où on demande là-bas que qui va être livré, qui va être un événement aussi important comme ça, personne n'en fait mention. On a dit que celui qui était couché sur la porte de Jésus a dit que on lui a demandé dit que celui qui veut tremper le morceau de pain. Où est tout ce détail-là n'est donné nulle part quelque part. Alors la question c'est quand Luc décrit, Marc décrit, Matthieu décrit, ils ne voient pas cela, ils n'ont pas vu cet aspect-là. Vous voyez? Il y a beaucoup de cas comme ça. Voilà, en fait c'est pour ça que je parle des variations non variables de l'écriture. Il y a un pourquoi cela se trouve ainsi. Parce que si tous donnent les mêmes choses, alors forcément, il y a un problème. Il y a des aspects que celui-ci va dire amplifier. Des aspects que celui-ci ne dira même pas. Des aspects que celui-ci va avoir amplifié. D'autres vont ajouter quelque chose. D'autres vont retrancher quelque chose. Mais en décrivant le même événement. Comme les deux se venaient de faire maintenant, là, n'est-ce pas? D'accord. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Sois béni, frère. Merci pour l'explication. Souvenez-vous de quelque chose. S'il arrive qu'on ne se voit plus jamais, quand ce n'est pas comme ça, en tout se donnant rendez-vous la semaine prochaine, plaise au Seigneur, si on ne se voit jamais, souvenez-vous toujours que je vous ai aimé et je vous aime toujours. Et même si vous ne me voyez pas, vivez dans la sanctification, dans la sainteté, croyant que Jésus va venir vous chercher. Et quand vous vous y serez, vous saurez que je vous ai dit la vérité sur la terre. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Amen. et qu'il vous soutient toute cette nuit-ci. J'espère que Seigneur n'a pas encore prévenu comme Enoch. Bonne soirée à vous, belle la CDT. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, j'ai une dernière petite question. Oui, une dernière petite question. Voilà, il pose la petite question dernière. Non, mais c'est par rapport. Non, mais ça me concerne. Rendez-vous le week-end. Tu as dit quelque chose tout à l'heure? Rendez-vous le week-end, ma soeur. On suit la musique maintenant. Dans la paix. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est une dédicace spéciale pour tous ceux qui sont de la Norvège et de la Pologne. Pour tous ceux qui sont de la Pologne qui aiment le Seigneur Jésus. Cette musique est pour eux. Shalom. Bonne soirée, bonne nuit. Merci, Père Junior. Je vous aime. Bonsoir, grâce. Bonsoir, la sœur, grâce à la femme. Elle dort depuis. Que Dieu vous bénisse. Merci. Il est minuit 30 ici. Bonne nuit. Bonne nuit. Serca wasze, ludzie lżejsi niż tchnienie, tylko w Bogu jest zbawienie. Nasz Pan,